63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride or die, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight bull, she take that. Putting overtime on your body. Bonjour tout le monde, lundi, c'est le 13 juin, j'espère que ça va bien. Qu'est-ce qu'on a comme chose à vous raconter, les amis? Ah, ça. Oh là là là. Ah oui, oui, oui. Mon Dieu, mais quel week-end! Bon, l'équipe de Bruno dans la radio va arriver chez vous là dans moins de 3 minutes. Toute la team Bruno dans la radio est là, le son de 10 euros pour attaquer. Petit Lucenzo, Densar Kuduro, juste avant 6h30. Ça va le mettre bien, mon fonf. Il est heureux. Fonf, c'est le réalisateur de l'émission. Je peux te dire qu'un coup d'ouro. Ah, oh, j'adore. Je vois ta tête. Je suis content de te faire plaisir. Merci. Il y aura également Dimitri Vegas, Like Mike. Voilà ce que vous allez avoir dans la première demi-heure. Vous allez vous prendre tout ça en pleine tête pour bien attaquer ce lundi. Parce que nous, s'il y a un truc qu'on déteste sur Fun Radio, c'est que le lundi, vous fassiez la gueule parce que c'est le lundi. Arrêtons ce racisme du lundi. C'est vrai. Le lundi, même lui, il le sait, le lundi, que personne ne le kiffe. Vous vous mettez l'espace de 2 secondes à la place de ce jour de la semaine par rapport au vendredi qui se fout de sa gueule. Le lundi, il est là, il est tout seul, il est dans son coin. Eh bien, nous, le lundi, on a envie de le prendre par la main. Non mais après c'est vrai qu'il est différent le lundi quand bien même. Sûr. Au début ça peut choquer. Il a une sale tête quand il parle. Il est pas facile. Pour les mecs quand même. Il sent mauvais le lundi. Ouais, et alors, est-ce que ça fait de lui un jour de la semaine différent? Le problème c'est qu'il a rien pour lui parce que même Bruno quand le lundi est férié, vous vous rendez compte, il se transforme en dimanche. Ouais, il aime le dimanche. Vrai. Personne. C'est vrai, Elliot. Non, mais voilà, c'est pour te dire ça. Mais nous serons cette radio qui va vous faire aimer le lundi. Allez. Je m'y engage. Face à la France, face au monde, face à l'univers. T'inquiète, si moucheur direct. Si on a de grandes envolées lyriques dès le lundi matin, les amis. Bon, allez, hop, on arrive chez vous là dans 2 minutes, 32-28. Vous faites de la radio avec moi et puis vous jouez avec moi. Il y a un toutou gagné, toutou perdu qui arrive avec, entre autres, un séjour au parc Astérix, tout frais payé pour 4 personnes. A tout de suite. Fun Radio. Le son. Fla. Les premières infos de ce lundi donc, c'est le 13 juin, c'est Justine Salmon pour les news, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue, on y va pour un petit point météo et c'est pas terrible. Du gris et de la pluie sur une grande partie du pays, on aura des éclaircies dans le sud, de l'Aquitaine à la région PACA. Les températures, c'est très doux, encore de 11 à 16 degrés ce matin. Cet après-midi on attend 17 à Belfort, il fera 19 à Paris, 20 degrés à Bordeaux et 24 à Nice. Et si on regarde les prochains jours, ce sera plutôt mitigé. Le retour du beau temps est prévu pour la fin de semaine. On ouvre ce flash avec ce drame qui fait la une de tous vos journaux ce matin. C'est la pire tuerie de l'histoire américaine. Ça s'est passé ce week-end dans une boîte de nuit gay à Orlando, en Floride. On compte pour le moment 50 morts et 53 blessés. Le tireur, un homme de 29 ans, était un citoyen américain d'origine afghane. Il est mort lors d'un échange de tirs avec la police. Hier soir, l'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'acte. Et par ailleurs, hier à Los Angeles, un homme transportant un arsenal d'armes et d'explosifs a été arrêté par la police. Il aurait confié vouloir attaquer la Gay Pride. Il n'y a pas de lien avec les événements d'Orlando. Retour en France et la loi travail passe par la case Sénat à partir d'aujourd'hui et les grèves continuent à la SNCF et chez Air France. Demain, une grande manifestation nationale est prévue à Paris. On passe à l'euro avec des violences également ce week-end à Marseille en marge du match Russie-Angleterre. Il y a eu 35 blessés. Le ministre Bernard Cazeneuve rappelle aux préfets qu'ils peuvent interdire la consommation d'alcool le jour des rencontres. Et l'UEFA hausse le ton et prévient. En cas de nouvelles violences, la Russie et l'Angleterre seront disqualifiées de la compétition. Et puis l'euro sur le terrain maintenant. Hier soir, l'Allemagne a battu l'Ukraine 2-0. Aujourd'hui, c'est l'entrée en lice des groupes D et E. On aura notamment à 21h la Belgique qui joue face à l'Italie. Il est 6h04 et c'est Bruno dans la radio. Bruno on Fun Radio. J'ai l'impression que c'est l'habillage qui sent l'été. Grave. Il n'y a que l'habillage qui sent l'été pour l'instant. C'est que clair. La météo n'est pas là. Mais bon, si déjà vous avez l'habillage qui sent l'été, vous imaginez des trucs en rapport avec l'été. Et puis c'est tout. Lundi, nous sommes le 13 juin, il est 6h04. Vous écoutez Fun Radio. Vous êtes sur la première radio dancefloor de France, c'est Fun Radio. C'est comme ça que ça s'appelle. 10 euros pour attaquer l'émission dans quelques secondes. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter l'équipe qui, comme chaque matin, m'accompagne. Mais quelle est donc cette personne? Bonjour à tous. Ça va aller. Ça va. Il faut juste que je parle doucement et ça va bien se passer. Moi, la voix cassée, ça me chauffe. Moi, je vous le dis, moi, il y a un truc, vous le savez. Alors moi, autant, tu vois, les filles, elles peuvent ressembler. Je m'en fous, mais une fille avec la voix cassée. Moi, tout de suite, j'imagine des trucs. Il y a forcément du cuir, du fouet et des... Ah oui. Et des chats. Et des chats. Non, mais un cri de... De chatte. Ah. Ça va, Christina? Mais ça va très bien. En plus, je suis en pleine forme. Juste, je n'ai plus de voix. Après ce week-end nantais de folie, j'ai laissé ma voix à Nantes. Ah, que veux-tu? Si vous avez raté ça, vendredi, on avait fait un délire vendredi matin. On s'est dit, tiens, pour le premier match de l'équipe de France de foot, et si on n'allait pas voir le match en famille? Et comme on dit que tous les matins, avec les auditeurs de Bruno dans la radio, c'est la famille, si on n'allait pas chez un auditeur. Et c'est ce qu'on a fait. On était chez Pierrick. Alors, on a mis une petite vidéo qui résume tout ça sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. Vidéo de l'émission. Je peux vous dire que on s'est mis bien. Bah, on a passé une grosse soirée. Elliot était bien. Elliot était au top. Oh, moi, j'ai adoré. Le truc, ce qui était énorme, on a vécu quoi, 1000 soirées en une. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait d'autres trucs. Après, on a été un anniversaire. Après, on a été en boîte, c'est-à-dire qu'on a regardé un moment l'horloge, il était 6h, on était debout depuis 4h du matin. Quoi. Alors, ça a été une grosse soirée. Match chez un gars. Bon, il y a eu un petit souci, c'est vrai, pendant la soirée. Si vous avez vécu le live Facebook, il y a eu un petit souci avec la télé du gars. Retour d'ailleurs sur l'enregistrement de cette soirée. On a trouvé le seul mec de Loire-Atlantique à la télé qui s'éteint toutes les 2 minutes. Mec, on a une putain de télé qui coupe toutes les 2 minutes, bordel. Voilà, ça c'était pendant le match. On était énervé. Et puis hier, je vois la vidéo de ce résumé de week-end et à un moment, je vois Vaché qui part avec la caméra qui filmait cette soirée pour faire une confidence. Juste dire aux auditeurs qu'en fait, la télé s'est coupée tout le temps ce soir. En fait, c'est moi qui ai une application. Et j'ai fait chier tout le monde. Ils se sont pas rendu compte que c'était moi qui coupais les cabines d'action. Je pense que je le dirai lundi à l'antenne et que je... Voilà. J'en étais sûr. Et en fait, cette télé qui coupait toutes les 5 minutes, c'est Vaché qui avait l'application Samsung qui l'éteignait depuis son portable. Espèce d'enfoiré, je vais aller lui casser la gueule. Alors, ce qui était très drôle, c'est que sur la première fois où j'ai coupé, c'était sur un moment où genre les Romains ont failli marquer, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment face à Lloris et c'était hyper chaud. Et quand j'ai vu votre réaction, genre tout le monde qui gueulait, Je me suis dit, mais c'est génial. Et j'ai commencé à devenir, tu sais, comme un méchant dans les films, à prendre plaisir à voir les gens paniquer. Au début, je voulais le faire qu'une fois. Mais tu sais ce que c'est cette sensation de pouvoir. Au bûcher, lui. Et vraiment, t'es un bâtard parce que t'as poussé le truc à éteindre juste avant potentiellement des buts qui pouvaient être marqués. Quoi. Ouais. Mais hey, en vrai, on a loupé aucun but. Mais non, mais même avant le coup de sifflet final, genre, on attendait qu'il siffle et toi, t'as coupé. Vacher. Ouais. Ma vengeance sera terrible. Je ne sais pas encore laquelle, mais sache que ma vengeance sera terrible et ce sera une vengeance de groupe. Oh, ça va. Faut le licencier, Bruno. C'est un peu beaucoup. Pas plus. Bon, et alors, pendant cette soirée, on a regardé le match de foot chez un auditeur de Bruno dans la radio, d'accord. Et puis, pendant cette soirée, on a reçu sur Facebook le message de gens qui disaient : on fête l'anniversaire d'un pote, que de la gueule, vous passez l'anniversaire de notre pote. Et ben nous, qu'est-ce qu'on a fait? En partant de chez Pierrick et en allant à Nantes, on s'est arrêté à cet anniversaire, mais sans prévenir, ni quoi ni qu'est-ce, on s'est pointé. Et alors, à cet anniversaire, il y avait Diane qui est au téléphone avec nous. À applaudissements fort. Pour Diane, ouais, Diane. Bruno dans la radio. Alors Diane, salut ma chérie, est-ce que tu fais partie des filles qui nous envoyaient des messages en disant « passez à l'anniversaire » sur la page? Non. D'accord. Non. Alors, c'était des copines à toi. Donc, je vous explique. On s'est pointé. C'était les 24 ans d'un gars qui était avec vous. Il y avait, mais comme à l'ancienne, c'est-à-dire un garage avec de la musique, une fontaine à alcool. Et on a débarqué là-dedans sans les prévenir. Et pour vous situer géographiquement, donc on était à Saint-Hilaire-de-Clisson pour l'opération Bruno dans ton salon. Et on est allé jusqu'à Cugand en Vendée cet anniversaire surprise. Ouais, on a fait un détour par la Vendée. On s'est dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Bon, Diane, c'était sympa cet anniversaire. Ah mais non, mais c'était juste magique. Hein. Franchement, comme tu l'as bien dit, voilà, c'est un anniversaire surprise. Et c'est vrai qu'il y avait une rumeur qui circulait, pardon, comme quoi toute l'équipe de Fun Radio viendrait. Mais bon, tu sais, vu que c'est une rumeur, voilà, on y croyait plus mais ou oui, moins. Mais oui, nous, on vous avait dit, écoute, on va voir. Sur la page Facebook, on avait dit, ouais, on peut se chauffer, mais personne n'y croyait. Quand on est arrivé, c'est ils ont fait une drôle de tête, ouais. Et franchement, toi, ouais. C'était Romain, c'est ça qui fêtait son anniversaire? Jérôme, c'est ça. Et toujours été calé sur les prénoms. Hein. C'était quoi la chanson sur Marie-Jo? Marie-Jo. Ils arrêtaient voilà, pas de chanter ça. Voilà. Et nous comme des cons, on commençait à être un peu pompettes, on va pas se mentir. Eh bien, on gueulait derrière. Un peu pompette. Allez voir la vidéo. Voilà. Si vous l'avez pas vu, on va vous la remettre sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. Il y en a deux, trois, dont Mika du JPI. Tu vois dans les yeux que c'est ça. On voit des animaux esselés au milieu d'une forêt de chasseurs. Après, il faut savoir que dans la soirée, ils étaient super sympas. Mais du coup, je pense qu'en 20 minutes, ils nous ont fait boire peut-être 10 cocktails chacun. Et d'ailleurs, je crois que je viens de dire des animaux, puisque tout le monde est en train de me regarder. C'est pas grave. Les amis, excusez-moi, j'ai eu un week-end difficile. Donc, je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, on dit des animaux, et puis c'est tout. On dit des animaux, des vitrailles, et qu'est-ce qu'on en a à foutre. Voilà. Diane, c'était un vrai kiff. Et tu peux nous dire ce que c'est la boisson que vous nous avez servie là pendant. Alors, c'était du punch, mais du punch pas avec du rhum, avec de l'eau de vie et du vin blanc, et après. Et d'accord. Et tout s'explique. Voilà. Diane, donc, je te fais des bisous, ma belle. Oui, merci beaucoup. Et franchement, je tiens vraiment, vraiment, vraiment, vraiment à vous remercier. C'est vrai que voilà, j'ai eu la chance de passer à la radio. Vraiment, je tiens à vous remercier au nom de toutes les personnes qui étaient présentes. Parce que vous êtes juste énormes. Et c'est grâce à vous qu'on a passé une de nos meilleures soirées. Et franchement, on dit que vous êtes une famille. Et moi, je peux vraiment confirmer, vous êtes vraiment une famille. Merci Diane, écoute, c'est adorable. Je te fais des bisous. Merci à toi, parce que franchement, radio ou pas, on reste quand même 15 pecnos qui ont gratté votre alcool. Hein. Moi, j'aurais eu la rage à la base. Hein. En même temps, j'ai l'impression qu'ils avaient un petit peu de marre. Ouais. Si tu veux, mon ami. Dans 3 minutes, Toto gagné, Toto perdu. Allez, faites-lui confiance à ce lundi. Il va être sympa, il vous accueille à bras ouverts. Soyez les bienvenus. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mano. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mano. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Qué la cosa! ¡Levámonos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Si yo soy vegana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no jodas. escuchar la canción de la casa de Luis Cesadur. On fait tout pour vous rendre ce lundi sympa, regardez. On vous met même de la musique de vendredi à lundi. Ça, c'est le coup d'ouro, c'est le vendredi. Le coup d'ouro du lundi, ça se danse pas, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Tu l'arrêtes d'un coup de truelle. Eh ben nous, on vous le met. Lucenzo, ça arrive dans quelques secondes, là, sur Fun Radio. Bonjour la famille, lundi, c'est le 13 juin. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous faire apprécier ce lundi? Peut-être qu'on pourrait se faire avant 6h30, histoire de se faire en forme, se mettre en forme, un petit choc des générations. Ah ouais. Je croyais que t'avais dit un petit shot, parce qu'après le week-end qu'on a passé, je me suis dit arrête, c'est fini ça les shots. Choc des générations, qu'est-ce que c'est? Nous opposons les vieux et les jeunes. Ouais. Les jeunes et les vieux. Ouais. Et là vous dites, mais à quoi je vois que je suis vieux ou à quoi je vois que je suis jeune? C'est extrêmement simple. Si tu bouges ta tête en écoutant ça, t'es jeune. Et tu kiffes. T'as moins de 15 ans ou 15 ans maxi, tu m'appelles maintenant 3228. Oui, mais alors à quoi je vois que je suis vieux? Vous vous posez cette question? Si sur ça. Vous êtes en train de vous dire, putain, c'était quand même autre chose la musique. On n'avait pas le téléphone portable, on n'avait pas les tablettes. On était bien. On pouvait danser sur un carré de 1 mètre sur Never Gonna Give You Up. Et vous kiffez en écoutant là? Vous êtes vieux. Vous m'appelez. 3228. Moins de 15 ans, plus de 45, je vous propose de vous affronter dans un combat à mort. Pour repartir ce matin avec un iPad. iPad mini ou iPad normal? iPad mini, un le iPad dernier. Mini. Oh, mini, tout mini, tout mini. Mais attention, il fait le maximum. Oh. 3228, à vous de jouer. On va partir à Dijon ce matin, c'est bien Dijon, c'est une belle ville Dijon, on est dans le département des Côtes d'Or, et puis il y a le Bourgogne, il y a la moutarde, et au milieu de tout ça, il y a Mickaël qui joue avec nous ce matin, applaudissements pour Mickaël. Salut Mickaël, ça va mon pote? Ouais, tranquille et vous? Super bien. Ambulancier, tu bosses ce matin ou pas? J'ai fini ma journée, ça y est. T'as fini ta journée? T'as fait du transport cette nuit? Voilà, j'étais d'astreinte. D'accord. Astreinte, ça veut dire que t'as été amener des gens pour les soins, etc. Voilà, pour l'hôpital, ouais. Tout week-end. D'accord. Bon, Mickaël, en arrivant ce matin en direct sur Fun Radio, tu as automatiquement 4 cadeaux qui sont gagnés. C'est fait, ces cadeaux, c'est pour toi. D'accord? Ok. Le premier... C'est un séjour au parc Astérix pour 4 personnes. Wow. D'accord? Avec donc les entrées pour le parc et une nuit à l'hôtel des 3 Zibou. Ibou, Ibou, Ibou. En plus, c'est en chambre quadruple, c'est-à-dire que tu te fais un délire avec tes potes ou la famille. Enfin bref, vous êtes à 4 dans la même chambre, c'est un vrai kiff. D'accord? Je rajoute à ça, quand je vous dis qu'il y a des gros cadeaux ce matin, il y a des gros cadeaux. Un chèque de 300 euros. D'accord? Ouais. À dépenser sur showroomprivé.com. Alors te fais pas chier, il y a toutes les marques. Ouais, tu vois, t'aimes bien les t-shirts Eleven, bah ils y sont. Il y a tout. Une petite paire de Vans, et bah ça y est, c'est gratuit. D'accord. Je m'habitue pas encore à Christina, moi. Il y a tout, ceci. Tais-toi, mamie, tu vas encore faire pipi sur le fauteuil. Christina, ce matin, à la voix de Marge. Mais. Ça... Attends, sur quelle autre radio t'as Marge Simpson? C'est vrai, c'est la classe. Dis-moi, fais voir, arrête ça, Homer. Arrête, Homer, tout de suite. Ouais, c'est nul. Ouais. tu gagnes une enceinte, d'accord, et la compile Fun Deep House. Ces 4 cadeaux sont à toi, d'accord, mon pote? Ok, on va essayer. Mickaël, faut essayer de les garder, et pour les garder, faut que tu répondes correctement à 4 questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Nous sommes d'accord? Ok, on est d'accord. Eh bien, c'est parti. Pendant l'Euro de foot, le plat le plus consommé devant les matchs de football en France, c'est le cassoulet. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je dirais faux quand même. Ça me semble un peu tendu. Bah oui. Vous savez ce que c'est? C'est la pizza. Oh, bien sûr. Bah oui. La pizza. D'ailleurs, je voudrais saluer nos amis de chez Domino's Pizza parce que vendredi soir, on a fait la soirée chez Pierrick, d'accord? Le matin, j'ai fait un tweet en déconnant, en mettant Domino's Pizza à l'intérieur du tweet en vanne en disant vous faites quoi ce soir? Et ils nous ont livré 20 pizzas qu'on n'a pas payées. Et non. Ouais. Ils ont déchiré. Moi, je voudrais remercier tous les membres de l'équipe de Bruno dans la radio qui pourraient être diététiciennes, puisque quand on a vu toutes les pizzas arriver, ils se sont dit bon, on va l'accompagner. Qu'est-ce qu'on va acheter? Des grillades. Évidemment, il faut toujours équilibrer pizza et grillade pour être en bonne santé. Bon, Mickaël, pour l'instant, tu gardes tous tes cadeaux. Deuxième question. La monnaie de la Sierra Leone, c'est le léon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le léon, simplement. Ouais, le léon. Ça me semble logique, oui, je dirais ouais. Ouais. Tu dis que c'est vrai et c'est une bonne réponse. Tu as bougé, Mickaël, tu as changé de place. On t'entend un peu moins bien. Reviens où tu étais avant. Ouais. C'est plus, on va faire avec. Okay. Troisième question. Mais ça, de toute façon, Mickaël, je te le dis, mais normalement, Luzman hors antenne a dû te dire ne bouge pas, ne change pas de place, comme le veut son statut de standardiste professionnel. Oui. Le record du monde de force dans la mâchoire est détenu par le piranha. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais que c'est vrai. Ouais. Oh la vache! C'est plus fort que l'alligator. Il exerce une pression équivalente à 30 fois son poids, le piranha. Ah ouais. Ouais, exactement. Tu gardes tous tes cadeaux. Ça va se jouer sur la dernière. Okay. Jusqu'en 2009, l'avortement était illégal à Monaco. En voici une question qu'elle est joyeuse. Ouais, ça fait plaisir le lundi matin. Là, toujours. Et parler d'avortement à 6h20, ouais, je pense que c'est vraiment... Pour attaquer le lundi de bonne humeur, c'est vraiment le truc que t'as envie de parler. Et si on parlait d'avortement? Ouais. On avait hésité avec la question sur la pédophilie, mais on s'est dit, c'est peut-être un peu glauque. Ouais, bien sûr. Donc je répète ma question. Jusqu'en 2009, l'avortement était illégal à Monaco. C'est vrai ou c'est faux? Bah, je dirais que c'est tellement sérieux comme question que c'est vrai. Et c'est tout gagné. Ça fait très très longtemps que c'était pas arrivé qu'on ait un sans faute. Séjour au parc Astérix pour 4 personnes, c'est cadeau, c'est pour toi. 300 merci euros à dépenser sur mancheronprivé.com. C'est cadeau, c'est pour toi. L'enceinte portable, c'est cadeau, c'est pour toi. Et la compile Fun Deep House. On t'envoie tout ça du côté de Dijon, mon pote. Merci mon Bruno, gros bisous à toute la famille. Bonne journée à toi, bisous, Mickaël. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 6h21, c'est Fun Radio. Lundi, nous sommes le 13 juin. J'ai envie de plaques de Béatrice. J'ai envie de monter un mur, là, tout de suite. Voici Lucenzo sur Fun. la famille, 6h25, vous avez choisi Fun Radio, soyez les bienvenus. Amir, ça arrive dans quelques minutes, et puis le chiffre du jour après 6h30. Dans le chiffre du jour, on apprend que 15% d'entre nous ne font jamais quelque chose parce qu'ils ont peur. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Un truc qui fait qu'avec la peur, on ne le fait pas. Vacher. La vaisselle, moi, c'est pour ça que je fais jamais. C'est vraiment une angoisse, quoi. Je suis désolé. Moi, c'est écraser une araignée. Je suis incapable de le faire. J'ai ça trop n'est pas peur. Ça. Ça n'est pas ça. Vous aurez la réponse tout à l'heure, et si vous avez une idée, vous appelez le 3228. Mais pour l'instant, dans le coin gauche, accusant 14 ans à la pesée, il y a Stéphane. Salut Bruno, salut Yves. Bonjour Stéphane. Ça va? Face à toi, ça va très bien. Accusant 51 ans à la pesée à Chantilly, il y a Benoît. Applaudissements pour Benoît. Ouais. Salut, salut tout le monde. Hello. Stéphane et Benoît vont se livrer. Un combat sans merci. Ouais. Tous les coups seront permis. J'avais posé des questions de jeunes aux vieux, des questions de jeux aux viennes. Des questions de jeux aux viennes. De vieux aux jeunes. Le but est de repartir ce matin avec un iPad mini. Celui qui aura le plus de bonnes réponses de vous deux. La question est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. Stéphane, t'es toujours avec nous ou pas? Ouais. Eh ben, réponds à cette question, du coup, parce que quand je te demande si vous êtes prêt que tu réponds pas, on se dit que tu t'endormes. Non, mais ouais, je suis chaud, là, je suis concentré. Eh ben, et tu sais quoi, Benoît m'a l'air plus chaud. On va commencer pour toi avec Benoît, le vieux, une question de jeune. Sur le résultat... Sur quel résultat... Quel réseau... Pardon, oulala, mais donc, bonjour, monsieur. Sur quel réseau social est-ce qu'on peut mettre une photo dans sa story, Benoît? Sur réseau social, sur... Eh ben c'est trop tard. C'était Snapchat. Mais c'est trop facile. C'était Snapchat. Benoît, Snapchat quand même. Stéphane, 14 ans, question ouais. Vieux pour toi. Oh putain, je ne sens pas la question. Stéphane, ouais. Question de vieux pour toi, écoute cette chanson. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Premier morceau de rap qui a marché en France. Mais vous êtes fou. C'est du rap ça. Qui chantait ça, Stéphane? Claude François. Il a dit quoi? Claude François. En même temps, avec une décharge électrique, il aurait pu. Zéro partout. Benoît, question le jeune. Juste, t'as pas dit qui c'était? C'était Benny B. Ah oui. Qui chante ça, Benoît? Serge Gainsbourg. Mais quand même. T'es taré. Les amis, vous dites n'importe quoi. Vous savez quoi? Moi, je fais un break. On vous rebrief au standard. À un moment, moi, je me lève le lundi. J'y mets du cœur. J'y mets de la joie. J'y mets du plaisir. Mais à un moment, en tant qu'auditeur, vous devez être des auditeurs professionnels, Benoît. C'est quoi là... C'est comme s'il pleuvait à Roland Garros, là. On fait un break. Voilà. Benoît, t'as perdu le sens commun des réalités. Attends. On te pose une question. Je te mets un titre de jeune. Tu me dis Serge Gainsbourg. Non. J'ai envie, tu sais quoi? J'ai envie de te bifler, Benoît. Et je ne le fais pas parce qu'il y a du monde dans ce studio et certaines personnes sont mineures. Benoît, Stéphane, on vous retrouve dans deux minutes, d'accord les amis? Ok. Vous ne bougez pas. Amir voilà. Qui arrive. Et Calvin Harris. Elle est chargée cette émission, j'aime bien. On continue le choc des générations là dans trois minutes, il y a le chiffre du jour qui arrive, à tout de suite. Bon, prenons un élève de 3e et plongeons-le dans un nouveau collège. Sachant que la pression exercée dès septembre est proportionnelle à son examen de fin d'année, trouvez la bonne formule pour qu'il entame la rentrée sans trop stresser. Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour reprendre le rythme en douceur. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Avec les offres Trilogy, vous avez trois bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogy jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Voir conditions sur bmw.fr. Le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Fabien Galthié. Tu vois, Antoine, nous au rugby, le ballon, on le sublime. Le ballon, on le prend en main, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Et parfois même, on le transforme. Bah nous au foot, tu vois, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Le championnat d'Europe, ça match avec Sport 2000. Jusqu'au 19 juin, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€ seulement. Sport 2000, ça match. Monsieur pas compris, apostrophe Monsieur Papillon. À quoi ça sert de trier les petites bouteilles en plastique? Elles sont si petites, s'interroge-t-il. Monsieur Papillon rétorque. Comprenez donc, Monsieur pas compris, qu'il faut trier toutes les bouteilles, les petites et les grandes, car elles sont toutes pleines d'avenir, nom de nom. Bien triées, elles seront recyclées et serviront à fabriquer de nouvelles bouteilles, des oreillers, des couettes et même des ours en peluche. Compris, Monsieur pas compris? Compris. Vous voulez savoir comment? Allez sur ecoemballage.fr. Et si on parlait Renault Service? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end, mes pneus sont usés. Ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon? Bien essayé, mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voire conditions sur Renault.fr. Bonjour la famille, aujourd'hui c'est lundi, c'est le 13 juin, vous voulez balancer des messages et vous voulez qu'on les lise pendant l'émission, c'est tout simple, vous utilisez le hashtag Bruno Fun Radio, ça marche sur Twitter, ça marche sur Instagram, puis on est là également sur Facebook, hein, facebook.com/Bruno dans la radio. Fun Radio. Le son Flav. Merci d'avoir choisi Fun Radio pour vous réveiller. Le tour de l'actu en deux minutes avec Justine Salmon. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue. Bon réveil, on y va pour la météo avec du gris et de la pluie pour une grande partie du pays. Et il y aura quand même des éclaircies dans le sud de l'Aquitaine, à la région PACA. Les températures, c'est très doux, de 11 à 16 degrés ce matin. Il fera cet après-midi 17 à Clermont-Ferrand. On attend 19 à Lille, 22 à Strasbourg et 27 degrés à Perpignan. La semaine ne sera pas terrible, on nous annonce le retour du vrai beau temps pour vendredi, pas avant. Les drapeaux sont en berne aux États-Unis après la tuerie de ce week-end dans une boîte de nuit gay à Orlando en Floride. Un homme de 29 ans a ouvert le feu faisant 50 morts et 53 blessés. L'assaillant aurait pris en otage les clients de la discothèque pendant 3 heures avant l'assaut des policiers qui l'ont abattu. Et hier soir, l'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'acte. C'est désormais la pire attaque depuis le 11 septembre 2001 sur le sol américain. Retour en France avec une nouvelle semaine de mobilisation contre la loi travail à la SNCF. Le trafic devrait légèrement s'améliorer aujourd'hui par rapport aux derniers jours. On a en moyenne 9 TGV sur 10, 7 TER sur 10, 6 Transiliens sur 10 et seulement un Intercité sur 2. Perturbation aussi chez Air France. Et à noter qu'une grande manifestation nationale est organisée demain à Paris. On passe à l'Euro avec des violences également ce week-end à Marseille en marge du match Russie-Angleterre. Il y a eu 35 blessés. Le ministre Bernard Cazeneuve rappelle au préfet qu'ils peuvent interdire la consommation d'alcool le jour des rencontres. Et l'UEFA hausse le ton et prévient en cas de nouvelle violence, la Russie et l'Angleterre seront disqualifiés de la compétition. Sur le terrain maintenant, hier soir l'Allemagne a battu l'Ukraine 2-0. Aujourd'hui c'est l'entrée en lice des groupes D et E. On a notamment à 21h la Belgique qui jouera face à l'Italie. Il est 6h34 et c'est Bruno dans la radio. Bon réveil. Tous les matins, 6h-9h, c'est Bruno dans la radio. 6h34, j'aime bien ce petit habillage qui fait été. Maintenant, amenez-moi l'été. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à nous mettre un peu de soleil pour tout le monde, ce serait bien. Erase Refi, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Et dans l'heure également, il y aura Moum. J'adore ce morceau, c'est un de mes morceaux préférés du moment, ça. Aloha. Mais pour l'instant, revenons à nos moutons. Stéphane est toujours là, il a 14 ans, il est à Bruno, là, je suis chaud, j'ai pris du Viagra, je suis chaud, là. J'espère. J'ai con. Viagra. Mais comment tu peux prendre du Viagra à 14 ans, Stéphane? Il rigole. Déjà, t'as un prénom de vieux, Stéphane, alors qu'il a 14 ans. 14 ans, t'es en quelle classe? En troisième. Troisième, t'as quel cours ce matin pour attaquer la semaine? Je crois que j'ai histoire, un truc comme ça. Non, SVT. Ah. T'es à fond dans les études, allez. Toi, non? Non, mais je m'en fous. Enfin, c'est chaud, quoi. Et c'est la fin d'année, donc pas grave. D'accord. Et, et donc, tu as le brevet, là, de fin d'année? Ouais, j'ai le brevet. Et bientôt. Alors, ça s'annonce bien ou pas? Là, j'ai 14 ans et demi, donc en moyenne. Oh, bah ça va, la cool. Tu te la racontes pas, s'il te plaît. Benoît, 51 ans à Chantilly. T'es toujours là, Benoît? Oui, tout à fait, oui. Bon, très bien. Benoît, c'est donc le gars qui, sur Bailard de Deoro, nous a dit qu'il avait l'impression d'écouter Serge Gainsbourg. ça part mal l'histoire. Deux mauvaises réponses pour l'instant pour toi, du côté des vieux, Benoît. Voici une question, Stéphane. À toi de jouer. Question de vieux pour toi, le jeune. Quelle série américaine des années 80 commençait par ce générique? Le mec qui vit avec sa famille, la maison dans la prairie, non? Oh non, rien à voir. Oh non. Mais non, c'était K2000. Oh là là, le mec qui vivait avec sa voiture, il a une voiture qui lui parlait, la petite maison dans la prairie, c'était ça? Oui, mais lui ça, ouais. Eh ben, mais ça n'a rien à voir. C'était quoi déjà le nom de la voiture? Kit. Ouais. Elle s'appelait Kit. Qu'elle dit bonjour, Michael. Il y avait un petit truc, une petite lumière qui bougeait devant. Ouais. Et moi, à l'époque, dans les années 80, il y a des gars qui mettaient ça sur une Renault 12 pour faire joli, genre. C'était ridicule. Et on trouvait ça hyper cool, une voiture qui parle. Et aujourd'hui, quand on fait un trajet de 3 heures avec un GPS qui dit tournez à gauche, au bout de 5 minutes, on fait ta gueule. Bon, zéro partout. Benoît, voici ta dernière question. Benoît le vieux, voici ta question de jeune. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Dans quel jeu, Benoît, faut-il jeter une balle de ping-pong dans un gobelet de bière? Le golf? Quoi? Oh là, ils m'ont saoulé, là, les deux. Beau, là, les deux, je vais aller, tu sais quoi? Je vais aller à Chantilly, Benoît. Je peux te dire. Je peux te dire que la balle de golf, je vais la foutre où je pense. Hein. Ça va te faire tout drôle. Pas de points pour Benoît. Stéphane! Vas-y. Dernière question pour toi, Stéphane. Question de vieux pour le jeune. Quel célèbre festival de musique hippie en 1969 est devenu culte, Stéphane? Le festival de Cannes. Ouais, bon alors vous savez quoi? Vous savez quoi? Stéphane Benoît. Tu vas nous l'énerver là, le Bruno. Stéphane Benoît. Oui. Voilà, je vais tous les deux vous foutre en plein milieu du désert, d'accord? Sans eau ni vivre pendant une semaine et demie. Et vous savez ce qu'on écoute dans ce désert? Vous savez ce qu'on écoute dans ce désert? On n'écoute pas Fun Radio. Non, on écoute d'autres radios. Et je peux vous dire, vous allez bien en chier. Foutez-moi le camp, les deux. Allez hop, on commence. Ils n'étaient pas très bons. Mais ouais, c'était Woodstock, tout le monde en parle, quoi. Bah ouais. C'était la folie, tout le monde faisait l'amour dans la boue, quoi. Loseman. Loseman, c'est le standardiste de l'émission. Oui. Arrête de m'en fumer. Le Stéphane, il avait pas 14 ans, je suis sûr qu'il en avait 22, il nous a fait croire qu'il était en 3ème. Ah bah... T'as voulu faire jouer des amis à toi, tu veux faire jouer ta famille. Je le sais, c'est le problème des standardistes à la radio. Fais attention, je serai intransigeant. Et Benoît, 51 ans, j'ai reconnu la voix de ta mère. Et il reste une place dans le désert, Loseman. J'ai reconnu la voix de ta mère, me prends pas pour un con, Loseman. File dans ta chambre, Loseman. Pardon. 6h39, ami. C'est le chiffre du jour. Et après, on fera le chiffre du jour. Oui, c'est comme ça, je casse les codes. Tu vas te calmer, Bruno, hein. Tu vas te détendre, boire pourquoi un petit café. Pourquoi on ferait le chiffre du jour spécialement là? Est-ce qu'on peut changer les choses? Mais oui, allons-y. Est-ce que nous sommes des machines? Surprends-nous, grand. Est-ce que vous écoutez un robot? Non. Vous écoutez Fun Radio. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you, you, you, you, you. C'est Fun Radio. Calvin Harris arrive dans quelques secondes. Il y aura Souf. Chiffre du jour qui arrive dans quelques secondes. Oh, et alors j'ai une photo que je voulais vous mettre sur la page Facebook qui m'a tué de rire là ce week-end. Vous voyez qui c'est, Richard Branson ou pas? C'est oui. Le patron de Virgin, le de riche. Virgin. Exactement, ah. Ouais, des magasins, Virgin Megastore, ouais. Etc. Et qui a une compagnie aérienne, Virgin Airlines. Ce gars-là a fait un truc extraordinaire. Il était en visite dans ses bureaux en Australie, d'accord. Ouais. Et il est passé à côté du bureau où il y avait un gars qui s'était endormi sur son canapé. Donc, il y a un de ses employés, tu vois. Et le mec a posé en photo à côté du gars, et le gars s'est réveillé après et a vu la photo sur les réseaux sociaux de lui à côté de son patron. Mais tu vois, son patron, le patron du multinational, quoi, tu vois, c'est pas genre le patron de son agence qui est le vrai grand big boss. J'ai vu, il a dû être si mal. Il est encore employé d'ailleurs ? Il s'est pas fait virer. Et le gars, Bronson, qui est connu pour être un patron super cool, a dit si il est en train de se reposer, c'est qu'il devait avoir besoin d'un repos bien mérité. Ah, c'est trop gentil. C'est classe ou pas ? Aux États-Unis, ils prônent les siestes au boulot, ils disent que c'est bien pour la créativité. C'est pour ça, moi, je m'inspire du modèle américain. Sauf que tu ne crées rien, Elliot. Ah ouais. Et c'est bien ça le problème. Bon, faudrait que je revoie ma technique. Je te confirme. Allez, chiffre du jour, on est un petit peu à la bourre ce matin. Et alors, c'est lundi, on va revenir dans 3 minutes. Là, bougez pas, la famille. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. The Chainsmokers. Galantis. Yo, what's up? This is the Major Lazer Crew right here on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Géant, c'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. En ce moment, le poulet rôti fermier de 980 grammes minimum, élevé en France et rôti dans nos rôtisseries, est en promotion au rayon traiteur à 7,90€ la pièce. Plus 330 grammes de délicieuses pommes de terre dorées à point offert. Géant pour tous les gourmets et gourmands. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, bougez plus. Edelweiss, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss ? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse ? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. Oh, I know a sad soul, sad soul. Of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs, sad songs, darling. Oh, I know sad songs, sad songs. This is Bruno. I love this station. 6h48, bon réveil la famille, c'est Fun Radio, Calvin Harris, Rihanna. Ça va arriver dans quelques secondes avec This is what you came for. 7h du matin, le Vacher Time. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. On a quoi ce matin, monsieur Vacher ? Un coiffeur qui est victime, parce que j'ai accompagné pour la première fois ma meuf chez le coiffeur. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé, vu que je suis chauve. Et le truc qui m'insupporte et qui m'a toujours insupporté, c'est qu'ils parlent tout le temps, les coiffeurs. Ils peuvent pas s'empêcher de discuter avec toi. Du coup, j'ai voulu faire mon vengeur. J'ai appelé un coiffeur pour lui dire que j'en ai marre qu'il parle en chanson. Ah, avec la petite musique que tu avais utilisée pour les bouchers, pour les plombiers, boucher, etc. Les mécaniciens, ils y ont eu tous droit à ça là. On y est parti. Le coiffeur, tu es chiant, à parler en nous coiffant. Tu nous saoules tellement qu'on va te faire boire ton démêlant. Bon, rire. C'est ça, donc, la petite musique que tu leur mets en boucle. J'adore. Et je rappelle, jusqu'à ce qu'ils pètent un plomb. Hein. Ce sera tout à l'heure, 7h du matin sur Fun Radio. Tiens, un petit message d'Alexander Kozik sur la page Facebook qui dit: wesh les gars, je voudrais simplement vous dire que je vous aime beaucoup, que ça me fait plaisir de vous entendre, car actuellement je suis à San Francisco et c'est assez difficile d'écouter les émissions, mais comme vous êtes tôt le matin en France, pour moi c'est juste parfait, c'est 21h ici, donc merci beaucoup. J'ai moins le mal du pays grâce à vous. Et bah, bisous, Alexander. Mal du pays, il se la pète à San Francisco, je te jure. Hey, tu pourras habiter à Poitiers, hein, Alexandre. Franchement. Tu l'aurais, le mal du pays. Bon, allez, à la bourre, mais c'est pas grave, c'est le chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Chiffre de ce matin, je disais que 15% d'entre vous ne font jamais quelque chose parce qu'ils ont peur.

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Vous l'avez découvert sur Fun Radio, il va arriver là dans la demi-heure, 7h30, il y aura la chanson du jour, 7h10, je vais payer de la facture. Le Vaché Time arrive dans 5 minutes après les news, mais pour l'instant... Fun. Le JPI sur Fun Radio. C'est l'heure du JPI, le journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission. C'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 6h50 du JPI. Et pour commencer, États-Unis, ce week-end à Orlando, Omar Mateen, se revendiquant de Daesh, a fait feu dans un club gay d'Orlando avant d'être abattu par la police. Être contre l'homosexualité et finir avec plusieurs trous de balles, c'est quand même con. Euro 2016, l'Allemagne s'est imposée face à l'Ukraine 2-0 grâce à un but de Mustafi et un but de Schweinsteiger. Oui, enfin, vous voulez dire Schweinsteiger. Oui, oh merde, d'un Allemand, quoi. Vendredi soir, la France a battu la Roumanie 2-1 grâce à un but de génie de Dimitri Payet à la toute fin du match. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony. Quel joueur, quel match, quel talent. Ça fait du bien d'avoir des joueurs si doués en équipe de France. Oui, et dire que c'est un ancien Marseillais. Quoi ? Un ancien Marseillais ? Oh, mais quelle merde ! Oh, il s'est pas aligné de passe ! Oh, et puis ce but, c'est un coup de cul, c'est tout ! Ouais, c'est fou, hein, l'objectivité d'un supporter parisien quand on parle d'un Marseillais. Ou l'inverse, d'ailleurs. La suite. Et pour finir, si vous aimez la CGT et les humoristes, découvrez Anne Roumanif. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Comment ça se passe, Mika, au niveau de la voix ? Bah, c'est de votre faute, Bruno. Vous mettez là l'ambiance en boîte de nuit. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est de ma faute. Je vous invite à aller voir vraiment la vidéo sur Facebook qu'on a mis, le résumé de ce week-end. Je vous disais qu'on s'était pointé à l'anniversaire d'un auditeur de Fun Radio, mais à l'improviste, il ne le savait pas. Et donc, vous irez voir Mika du JPI et vous allez voir si c'est vraiment de ma faute. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas vu cette vidéo encore, là. Ah bah, va la voir. Merde. Tu sais que tu bois beaucoup en soirée, c'est un budget. Hein. Non, c'est je te faux. Le dis. Moi, je suis pas regardant, je suis pas comme Vaché. Mais Mika, tu sais que c'est un budget quand même. Ouais, hein. Ça coûte un peu de pognon. Ouais, parce que tu ne tombes jamais. Hein. C'est fou. Hein. C'est pas faux. Et tu sais qu'on t'appelle l'évier maintenant. Depuis vendredi. Hein. Je te dis ça, je dis rien, mais. Erais Trefi, bon, à tout de suite, c'est sur Fun Radio. Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Et voilà Valérie qui rentre, elle sort les courses et oh là là, elle surprend tout le monde avec ses verdures Alex aux couleurs des capitales d'Europe. Une exclusivité Carrefour en édition limitée. Absolument. Jusqu'au 18 juillet, pour 30 euros d'achat chez Carrefour, le verdure Alex est à seulement 1 euro. Et demain, c'est Dublin et Berlin. Ah, une collection comme ça, il faut pas la rater. Jusqu'au 18 juillet chez Carrefour, collectionnez les verdures Alex 100% made in France. Le verre est à seulement 1 euro par tranche de 30 euros d'achat. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Bon. Prenons une élève. Petite 1, elle est passée en classe de 4e de justesse. Petite 2, son début d'année s'annonce un peu fébrile. Question, comment l'aider à réussir son premier trimestre dans les meilleures conditions ? Vous avez 20 secondes et pas de calculette. Avec Acadomia, la réponse est facile. Vous pouvez dès maintenant, pour la rentrée, réserver les cours particuliers de votre enfant. Accompagné par un enseignant spécialement dédié, il pourra améliorer ses connaissances et ses méthodes de travail. Renseignez-vous sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Skoda. Attends, je connais une technique pour réparer ton pneu. D'abord, tu fais fondre un morceau de caoutchouc avec un briquet, tu vois. Non, mais t'inquiète. T'étales bien au niveau de la crevaison, tu laisses sécher. Oui, mais... Ensuite, faut gonfler. Tu prends une pompe à vélo. C'est bon, je te dis. Chez Skoda, mes pneus sont assurés 3 ans et 100% remboursés la première année en cas de dommage. Et jusqu'au 13 juillet, le pneu Pirelli 16 pouces est à 65€ seulement. Et je peux prendre rendez-vous sur skoda.fr/RDV. Clic, clic. Ah. Skoda, passez en mode facile. Offre réservée aux particuliers chez les partenaires participants, conditions sur skoda.fr. Je tiens à vous dire que cette semaine, j'ai un cadeau de ouf à vous offrir à l'occasion des 20 ans de Bouygues Télécom. Je vais vous filer ce matin et je vais vous expliquer comment. Une Golden SIM. Et la Golden SIM, c'est quoi? C'est tout en illimité, 4G Bouygues Télécom, appel, SMS et MMS pendant 2 ans. Vous pouvez appeler autant de fois que vous voulez, qui vous voulez, dans le monde entier, c'est gratuit. Ça va se gagner ce matin, je vous explique comment là, dans moins de 10 minutes. Fun Radio. Le son Fla. Justine Salmon pour les infos de ce lundi 13 juin. Ça va mieux, oui. Justine? Bah, ça, pourquoi mieux? Ça va? Oh, bah, je sais pas, quand je vois une journaliste à 5h du matin qui est en train de danser sur des échasses en boîte dans une combinaison d'extraterrestres, excuse-moi de te poser la question lundi. Ça allait très très voilà, bien. Voilà, moi, moment. Après, on n'en parle pas, mais oui, je te demande si ça va mieux, bêtement. Ça va très bien. Bon, très bien. Allez, on y va avec la météo de cette journée. Et c'est pas terrible aujourd'hui, la météo du gris et de la pluie sur une grande partie du pays. On aura des éclaircies dans le sud de l'Aquitaine à la région PACA. Les températures sont très douces, de 11 à 16 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 17 à Mulhouse. Il fera 19 degrés à Paris, 20 à Arcachon et 24 degrés à Fréjus. Et si on regarde les prochains jours, ce sera plutôt mitigé. Le retour du beau temps est prévu pour la fin de semaine. On ouvre ce flash avec ce drame qui fait la une de tous vos journaux ce matin. C'est la pire tuerie de l'histoire américaine. Ça s'est passé ce week-end dans une boîte de nuit gay à Orlando en Floride et on compte pour le moment 50 morts et 53 blessés. Le tireur, un homme de 29 ans, était un citoyen américain d'origine afghane. Il est mort lors d'un échange de tirs avec la police. Et hier soir, l'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'acte. Par ailleurs, hier à Los Angeles, un homme transportant un arsenal d'armes d'explosifs a été arrêté par la police. Il aurait confié vouloir attaquer la Gay Pride. Il n'y a pas de lien avec les événements d'Orlando. Retour en France, la loi travail passe par la case Sénat à partir d'aujourd'hui et les grèves continuent à la SNCF et chez Air France. Demain, une grande manifestation nationale est prévue à Paris. On passe au foot, on parle de l'Euro. Hier soir, l'Allemagne a battu l'Ukraine 2-0. Aujourd'hui, c'est l'entrée en lice des groupes D et E. À 15h à Toulouse, l'Espagne joue contre la République tchèque. À 18h, Irlande, Suède. Et puis à 21h à Lyon, la Belgique jouera face à l'Italie. Il est 7h 3, c'est Bruno dans la radio. Bon réveil à tous sur Fun. Bruno on Fun Radio. Oh là là, c'est le générique de l'été, il fait plaisir. J'adore. Ça y est, c'est l'été. Oui, vous n'avez pas de soleil. Oui, vous avez des températures, on se croirait au mois de novembre. Oui, vous avez de la pluie sans discontinuer depuis un mois et demi, d'accord. Mais sur Fun Radio, vous avez déjà l'habillage de l'été. Ouais, voilà. J'ai l'impression que ça change la vie. C'est un petit peu le truc que la Terre entière attendait. Il est 7h04, vous écoutez Fun Radio. Bonjour. Fun Radio, c'est la première radio dance floor de France. Vous pouvez vérifier, vous pouvez demander aux gens. C'est le premier sur les dance floors. Et Raïs Treffy, vous l'avez découvert chez nous. 7h10, je paye de la facture. Ensuite, le nouveau Galantis. Vous l'avez découvert où, le nouveau Galantis? Ici. Eh ben oui, mais il faut le dire. Et Aloha. Le titre de Môme. Môme, vous l'avez découvert où? Sur Fun Radio. Ben voilà, voilà. Alors après, on va me dire, oui, mais alors Fun Radio, on m'en parle, est-ce que c'est bien et tout ça? 100% des auditeurs de Fun Radio ont tenté leur chance, j'ai envie de te dire. Voilà, et qui nous rejoignent tous les matins. Bonjour à vous, merci d'être là, merci d'être fidèles. On essaye de redéfinir votre lundi. C'est ce qu'on disait ce matin, fini les lundis où tout le monde fait la gueule. Maintenant, le lundi, je veux que ce soit comme un vendredi. Le pétage du plomb du lundi, faites-vous plaisir. Regardez par exemple, Christina, pour pas faire comme les autres jours de la semaine, elle a une voix différente le lundi. Mais ouais, bonjour à tous. Voix de Chagas, ouais. Comment ça va, Maché ? Eh ben ça va super, et vous ? Très bien. Elliot, ça va bien ? Oh oui, moi ça va. Après ce vendredi, je sais pas vous, mais moi j'ai hiberné le samedi. J'ai dormi toute la journée samedi, toute la journée dimanche. Ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais c'est un peu plus compliqué quand t'as un enfant, t'essayes de te reposer, elle vient te voir toutes les 5 minutes. Oh. Et alors surtout, je me suis rendu compte que quand tu perds ta voix, c'est compliqué d'engueuler un enfant. Ouais. J'ai pas pu l'engueuler, ce canard fait plein de conneries. Mais en même temps, si tu lui parlais à ton enfant avec cette voix-là... Elle a dû se barrer en courant dans la maison quand même. Hein. Je trouve qu'on dirait la voix un peu d'un ado qui veut un scooter. Tu veux pas dire je veux un scooter papa maman ? Je veux un scooter papa maman. Si t'es sage. Vendredi soir, c'était le match d'ouverture de la Coupe d'Europe. Et une cérémonie d'ouverture avec Fun Radio qui nous a permis de faire un truc un peu spécial. À la demande de David Guetta, on a envoyé des auditeurs assister à la cérémonie d'ouverture et je vous avais dit à l'antenne, vous allez rencontrer David Guetta. Et je sais que souvent, les radios font ce genre de concours et souvent, c'est un truc qui dure à peine une seconde et demie. Les mecs ont pas le temps de prendre une photo et souvent, c'est de l'enfume. Bonjour, Alexandre. Salut la famille. Salut. Alex, t'étais où vendredi soir ? Ah là là, c'était juste ouf au stade. On a vu David Guetta, on a pris des photos. C'était une ambiance de folie. Bon, t'avais joué avec nous le matin, t'avais gagné tes places pour le concours, t'y allais avec ta chérie ? Ouais, c'est ma petite femme qui a joué, qui a gagné, c'est grâce à elle que j'ai vu Kito. Ah, fort ! Bon, et alors, on est d'accord que David, c'est le mec le plus cool du monde ? Ah ouais, franchement, comme si on le connaissait, tranquille, il s'assoit avec nous, il discute, les petites photos. D'ailleurs, il vient ce soir à la maison, on va boire un petit coup avec nous. Bon, et t'as fait des photos avec David Guetta, tu nous fais passer ça, on va les mettre sur la page Facebook. Ouais, on les a mis sur Twitter. Eh ben génial. On a vu. Ouais. Ça marche pour Twitter aussi. On te fait des bisous, Alex. Allez, gros bisous à la famille. Bisous. Ciao. David, on le voit la semaine prochaine. Ouais. Il passe dans l'émission. Il m'a reconfirmé par SMS. À Ibiza. Exactement. Il va venir avec nous à Ibiza. Ça fait plaisir. On n'est pas à l'abri de fêter mon anniversaire au Pacha à Ibiza avec David Guetta comme l'année dernière. On sort d'un week-end alcoolisé que déjà, il faut se dire, tiens, on va rigoler bientôt. J'en peux plus, moi. Allez, match time. Fun. Le Vaché Time. Le Vaché Time. Et des fois, Vaché, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met dans la peau d'un mec qui veut venger les gens. Et aujourd'hui, je veux vous venger contre les coiffeurs. Parce que les coiffeurs, ils sont bien gentils, mais ils parlent pendant qu'ils nous coiffent. Et des fois, on s'en fout, on n'a pas envie de parler. Et il fallait que quelqu'un leur dise, et ce quelqu'un leur a dit en chanson. On écoute. Allô ? Oui, bonjour. Est-ce que tu peux me rappeler ton métier ? Je suis un coiffeur pour hommes. Eh ben écoute ça, le coiffeur, tu es chiant à parler en nous coiffant. Tu nous saoules tellement qu'on va te faire boire ton démêlant. Bon, rire. Mais qui vous êtes ? Coiffeur, pipelette, quand tu parles, tu me prends la tête. Non, je m'en bats les couilles. Pipelette, quand tu parles, tu me prends la tête. J'en fous. Tu m'emmerdes. Tu raccroches, coiffeur, on dirait que t'as peur. Peur de qui ? Bah peur de moi qui défend les clients qui en ont marre quand on leur parle. Eh ben viens On en a marre, viens. Vous êtes pas notre psy. Oui, ben viens. On a rien à vous dire. Ben viens, je te dis. Non, parce que si je viens, tu vas encore me parler comme tous les coiffeurs qui parlent. Ben viens me le dire enfin. Tu mériterais un coup de fer à friser dans le slip. Donc comme notre première. N'importe quoi. Ils sont agressifs hein, les coiffeurs. Tu vois, ils ont l'air tout gentils comme ça quand ils te font des frisottis. Des frisous. Je sais pas comment on appelle ça. Des bouclettes quoi. Dans 3 minutes sur Fun Radio, je paye de la facture. Hi, it's Era Estrefi with Bruno on Fun Radio. This is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get teacher to dun, dun, dun. Bun, bun. Heaven, this is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get teacher to dun, dun, dun. King of the Stéphane Radio. Galantis qui va arriver là dans moins de 20 minutes avec No Money. Enfin, dans moins de 20 minutes, dans moins de 10 minutes même. Steel Drum, voilà, c'est ça le nom de c'est la C'est ça, monsieur Bruno. C'est la première fois que je m'en souviens du premier coup. Bravo. Un bon point. Vous voulez une gommette Ah oui, j'aimerais bien. Merci, oui. Merci, maître Elliott. Ça me ferait plaisir. Bon, beaucoup de réactions là sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. On vous a mis le petit montage vidéo de cette OP Bruno dans ton salon. Ça n'avait jamais été fait en radio. On a décidé vendredi matin de se barrer chez un auditeur pour mater le match de foot. On a vécu une journée de dingue. Je peux vous dire qu'on va le refaire. Ah, c'est sûr. Alors, attention, parce qu'il y a plein d'auditeurs qui disent mercredi pour le match contre l'Albanie, venez à la maison. On ne va pas le faire pour tous les matchs de l'équipe de France. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est compliqué parce que le lendemain, on a de la radio. Puis. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on n'a qu'un foie. Hein, ouais. Faut qu'on se repose un peu. À un moment, faut qu'on se repose. Parce que tout a été, même le train. Ouais. Tiens, d'ailleurs, à propos du train, est-ce qu'on peut parler du summum du nec plus ultra de la loose? Oh, le pauvre. Je pense que si on a un championnat de la loose qui est mis en place, on a trouvé le champion du monde de la honte. C'est le moment de honte. On a tous ce moment de solitude. Vacher est tombé sur un gars... En allant à Nantes vendredi, je pense qu'il a battu tous les records. Sur le retour, c'était horrible. En fait, moi, j'étais au wagon-bar tranquille en train de m'acheter des M&M's. Il y a une nana qui arrive paniquée en mode il y a quelqu'un qui a fait un malaise, ça fait une heure qu'il est dans les toilettes, il répond plus aux appels, on frappe à la porte, le pauvre. Donc moi, j'étais là, putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Elle court, elle trouve le contrôleur, ils partent devant. Moi, je suis à la cool avec mes M&M's. Et le temps que j'arrive, je découvre la scène. En fait, la porte s'ouvre, il y avait deux contrôleurs qui frappaient. Monsieur, ça s'ouvre. Et là, le gars, il sort, mais genre transpirant. Il fait excusez-moi, non, en fait, c'est juste que je suis malade. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis du parfum. Hein. J'ai mis du parfum, je vous promets. Et là, personne ne savait quoi dire, quoi. Juste le gars avait fait caca. Et tout le monde avait paniqué. T'avais des gens devant qui regardaient, genre le pauvre, il a fait un malaise. Et le mec qui a dû se dire merde, je suis obligé d'ouvrir la porte et de dire la vérité, quoi. Mais le stress qu'il a dû avoir, c'est horrible. Ça arrive. Moi, j'aime ces moments de solitude. C'était horrible, pauvre, j'avais mal au cœur pour lui. Il n'arrêtait pas de dire mais j'ai mis du parfum. Oh, le pauvre. Vous savez quoi? On peut se lancer dans un sujet. Tiens, avec le hashtag Bruno Fun Radio. Ou hashtag plus grosse loose, mais hashtag Bruno Fun Radio, comme ça on va vous trouver plus facilement. Venez nous balancer votre plus gros moment de honte. Le moment où vous auriez aimé disparaître. Tellement vous étiez mal à l'aise. On en a tous eu un. Ah oui. On est dans l'équipe, on est d'accord. Bah, on a bien, tous sûr. Ouais, bien sûr. Et vous savez quoi? Et 32-28. Donc, le hashtag Bruno Fun Radio, vous racontez votre plus grosse honte. Et le 32-28, on va faire de la radio ensemble là, dans moins de 5 minutes. Pour l'instant, je paye de la facture. Money. Bruno, allô? Paye vos factures. Tous les jours, 7h10, 8h10, en direct sur Fun Radio, je paye votre facture. Et ça peut tomber sur vous si vous l'envoyez à facture@funradio.fr ou bien par courrier à Fun Radio. C'est au 20 rue Bayard 75 008 à Paris. Et si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. On part à Marseille. On part chez Karim. Allô? Ah oh! Karim? Oui. Bonjour Karim. Salut. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno dans la radio. Oh, oh, oh, oh. Comment ça va, mon Karim? Bah, nickel, et vous? Eh ben, écoute, super bien. T'es où dans Marseille? Dans le 10e arrondissement. D'accord, ok. Bon, t'as pas été trop emmerdé ce week-end avec les affrontements là, entre les hooligans anglais et russes sur le Vieux-Port? Ok, c'était la question qu'il fallait pas lui poser. Question tabou. C'est la question tabou. J'ai posé la question, le gars bloqué. Karim? On l'a perdu. On l'a perdu. Il est où? Luzman, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est là. Karim, qu'est-ce qui se passe? T'es où? En fait, là, je suis au boulot, là. J'attends mon collègue. Ah, d'accord, ok, très bien. Tu fais quoi comme métier dans la vie? Je suis inspecteur en électricité. D'accord. En fait, très je vérifie la conformité des installations électriques. Très bien. Voilà. Je te disais, t'as pas été emmerdé ce week-end avec les affrontements entre supporters russes et anglais chez toi? Enfin, du côté de chez moi, non. Mais après, je suis pas trop sorti dans le centre. D'accord. C'est un peu chaud, donc on est assez tranquille à la maison. T'as bien fait. D'accord, t'as bien fait. Karim, voilà. Tu m'as envoyé une facture de 316 €. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est mes deux abonnements pour le Stade Vélodrome de la saison prochaine. Ah, ça c'est un vrai supporter. Ouais, ah bah oui, ça, je te confirme. Pour prendre un an d'abonnement à Marseille avec ce qui se fomente là-bas depuis 2 ans. Mais Karim, je te comprends. Tu sais quoi? Et donner 316 € pour aller voir et supporter l'OM pendant un an, c'est un peu un truc caritatif. Ouais, c'est ça. Ouais, une association pour les gens qui souffrent. Ouais. Tu vois, tu dis bah ouais, mais moi je les aide, je les soutiens. Mais tu sais quoi? Et je fais comme toi, Karim. Karim d'ailleurs, on va pas se mentir. Mais le gars qui a marqué le but de la délivrance vendredi soir, c'est quand même un ancien Marseillais. Voilà. C'est un ancien Marseillais quand même. Mais voilà, bien sûr. C'est un peu. Tu sais quoi, c'est un peu comme si Marseille avait gagné. Karim, je t'envoie les 316 €. C'est cadeau, c'est pour moi. D'accord, mon pote. Merci, famille. Passe une belle journée. Bisous. Ciao. C'est parce qu'il est parti de Marseille qu'il a développé son talent. Non, tu sais quoi, si t'étais un peu honnête, tu aurais vu les interviews de Payet qui dit qu'il a appris le plus gros de son métier grâce à Bielsa quand il était à l'OM. Ouais, mais j'avais plus internet. Et les footix, là, vous voulez pas aller au PMU pour finir cette conversation? N'oubliez pas qu'il a été formé à Nantes, les amis. Ouais, laissez-moi. Ah bah, va au PMU toi aussi, c'est vrai. Et tu sais quoi, le meilleur truc qu'on puisse dire sur Dimitri Payet, c'est son fils qui l'a dit en interview à la fin du match. Vous l'écoutez ou pas? Ouais. C'est son fils qui répond à un journaliste. Moi j'ai dit, mon papa est le meilleur coup franc du monde. Mon papa il tire les meilleurs coups francs du monde. Oh, c'est trop mignon. Pas. Allez, voici le nouveau Galantis, c'est sur Fun. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. I ain't gonna run away. le nouveau Galantis, vous l'avez découvert sur Fun Radio, ça s'appelle No Money. Môme, Aloha, DJ français Môme, on adore ce titre, vous l'avez découvert chez nous. Aloha. Ça arrive sur Fun Radio, 7h30, il y aura la chanson du jour, chanson pour Marine ce matin. Marine est à Monaco, elle veut qu'on appelle sa sœur Océane. Eh oui, elle a eu quelques coups durs cette année, elle est en terminale, elle passe son bac STG et elle a été un peu malade, elle a loupé 4 mois de cours. Ah merde. Ouais ouais, donc du coup... 4 mois de cours, t'es pas un peu malade, t'es malade. Hein. Ouais ouais, elle a eu une sorte de petite infection, rien de grave, hein, tout va bien. Et elle a loupé donc 4 mois de cours, mais elle a réussi à tout rattraper. Et elle stresse beaucoup pour le bac et les deux sœurs sont un peu éloignées, donc elle veut lui montrer tout son soutien à travers la chanson. Quoi. Oh c'est beau. C'est mercredi le bac, là, ça y est. Et ouais. Ouais, il y a la philo là qui arrive. Si vous nous entendez qu'on vous met le stress parce qu'on parle du bac de philo, c'est que vous n'êtes pas zen zen quand même ouais. Au niveau des révisions, hein, je tiens à vous le dire. Petit extrait de la chanson du jour, là, tout à l'heure, 7h30. Je sais que t'es stressé, t'es en train de douter. Mais si je suis là ce matin, c'est pour te rassurer. T'inquiète, tu vas tout déchirer. Sur du Justin Timberlake. Vous l'aurez en entier tout à l'heure, la chanson du jour. Bruno dans la radio, c'est vous, au 3228. Dernier moment de honte que vous ayez pu avoir. On a parlé là avec Vacher de cette aventure qu'il a eue dans le train de retour en revenant de Nantes samedi. De ce gars qui a été contrôlé alors qu'il était bloqué dans les toilettes de la SNCF. Les contrôleurs lui ont obligé à ouvrir les toilettes en croyant qu'il voulait frauder. Oh, alors que le gars avait juste une gastro et le gars a dit non mais j'ai mis du parfum. Horrible. Et les gens qui s'étaient attroupés parce qu'ils avaient peur que le gars ait fait un malaise à l'intérieur. Quoi. C'était horrible. Oh, c'est horrible. Les loose caca sont toujours les plus drôles. Hein. Je suis désolé de vous le dire mais ça marche toujours. Oui Elliot. Ah bah moi c'est une loose caca comme tu dis. Il y a tout comme Vacher, c'est dans le train. Ouais. Alors bon, bah, j'étais un peu malade comme le gars et je décide d'aller aux toilettes. Ok, jusqu'à là tout va bien. Non, je vais être classe. Je vais être ouais, classe, parce qu'il est 7h23, les gens sont en train de déjeuner. Je vais être classe, t'es sûr hein? Non, non, vous, ça va. Bon, alors je mets de la musique classe pour être sûr. Donc j'étais aux toilettes, d'accord. Ouais. Non, mais en vrai c'est pas grave. Et donc, je suis malade. C'est ouais, je pourrais être bien. Pas classe, mais j'avance. Et il y a un mec, pendant que je suis aux toilettes, qui essaye d'ouvrir la porte. Et généralement, je me dis, bah, il va aller se rasseoir. Et le mec reste devant la porte. Donc, attends que je termine. Ouais. Et là, moi, je suis mort de rire parce que ça a une odeur. Tu ouais, doutes. Enfin, je rentre pas dans les détails. Non, rentre pas dans les détails. Trop tard. Et donc, j'attends. Donc, je sors 2 minutes après. Et là, je retourne à ma place. Et là, je le vois, le gars. Donc, je rigole. Et je m'assois. Et même pas 30 secondes après, le mec passe dans le wagon et me regarde et me fait ça. Et il me fait bien jouer, mes potes ils étaient morts de rire. Il m'applaudit, il fait ah ouais, là t'as mis la barre haute. Mais j'irai dans 20 minutes, je pense. Et il est parti se rasseoir. Le mec m'a applaudi devant mes potes dans la soirée. Oh la honte. Et je savais plus où me foutre. Ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est bon. Ah, bon. Ça arrive. On choisit pas où on est malade. Victor, il est à Lyon. Bonjour Victor. Salut Bruno, salut tout le monde. Salut. 16 ans Victor. T'es en quelle classe? Oui, en seconde. T'attaques les cours à quelle heure ce matin? Bah là on est en vacances à cause du bac, donc c'est pas mal. Oui, c'est vrai, c'est cool. Et donc tu te lèves juste pour écouter Bruno dans la radio? Voilà, c'est ça. Et bah t'es fort. Victor, ton dernier moment de honte, ça a été quoi toi? Alors moi c'était il y a un mois, j'étais avec ma mère et puis elle me présentait sa mère. Ouais. Et on parlait un peu de tout et tout. Et là, elle me demande « Tu veux faire quoi plus tard ?» Et quand je viens lui répondre, en fait, il y a un rot qui sort de ma bouche. J'ai roté sans faire exprès. Alors, c'est sympa. On a eu le caca, on a eu les rots. C'est bien, merci. Ouais. Maintenant, je pense qu'on peut passer à autre chose. Je te fais des bisous. Alors moi, je me suis pissé dessus. Oui, on avait deviné. Oui. Ma dernière loose, mais c'est un truc. Alors ça, c'est de la loose classique, mais ça marche à chaque fois. Moi, c'est loose de « Tu veux faire bien ?» T'arrives à ta coiffeuse et... Félicitations, j'étais pas au courant, etc. En croyant qu'elle est enceinte et la nana dit non, non, mais je suis désolé, j'ai pris un peu en ce moment, j'attends pas d'enfant. Oh là là. Ah, il faut jamais faire ça. Ah bah non, moi, je m'étais juré que je le dirais plus, mais en fait, je savais qu'elle désirait un enfant depuis longtemps. Oh. Et je me suis dit, ça marche. C'est pire. Et non, en fait. Sur Twitter, avec le hashtag Bruno Fun Radio, il y en a plein qui arrivent, et notamment en loose classique, il y a Mylène qui dit ma plus grosse honte de sortir des toilettes et d'avoir la jupe coincée. Franchement, je pense que ça nous est arrivé à toutes au moins une fois dans notre vie, les filles. Il y a Vanessa qui voulait parler de cette loose-là, justement, à Valence. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Toi aussi, t'as eu la jupe coincée? Ah oui, moi, j'ai eu la jupe coincée cet hiver et ça m'a pas fait rire du tout. Enfin, sur le moment, oui, mais le lendemain, pas trop. Je suis allée aux toilettes en boîte, j'étais toute belle, je me sentais super sûre de moi. Et puis, en sortant, j'ai allègrement, sous l'effet un peu alcoolisé, rentré ma jupe dans mon collant.

Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux ? Un bon à parier Quintet Plus offert ? Wouhou ! À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. Vous voulez repartir avec un cadeau de ouf. Tout en illimité sur votre téléphone portable pendant 2 ans, c'est ce qu'on va vous offrir avec Bouygues Télécom. Je vous explique comment gagner là dans moins de 2 minutes sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance. Fla. Justine Salmon pour les infos de ce lundi 13 juillet, bonjour. Bonjour mon Bruno, bonjour à tous, bon réveil, on y va pour la météo et c'est du gris et de la pluie sur une grande partie du pays. Il y aura quand même des éclaircies dans le sud, de l'Aquitaine à la région PACA. Les températures c'est très doux, de 11 à 16 degrés ce matin, cet après-midi il fera 17 à Clermont-Ferrand, 19 à Lens, on attend 22 à Strasbourg et 27 degrés à Narbonne. La semaine ne sera pas terrible, on nous annonce le retour du beau temps pour vendredi, pas avant. Les drapeaux sont en berne aux États-Unis après la tuerie de ce week-end dans une boîte de nuit gay à Orlando en Floride. Un homme de 29 ans a ouvert le feu, faisant 50 morts et 53 blessés. L'assaillant aurait pris en otage les clients de la discothèque pendant 3 heures avant l'assaut des policiers qui l'ont abattu. Et hier soir, l'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'acte. C'est désormais la pire attaque depuis le 11 septembre 2001 sur le sol américain. Retour en France avec une nouvelle semaine de mobilisation contre la loi travail à la SNCF. Le trafic devrait légèrement s'améliorer aujourd'hui par rapport aux derniers jours. On a en moyenne 9 TGV sur 10, 7 TER sur 10 et seulement un intercité sur 2. Perturbation aussi chez Air France. Notez qu'une grande manifestation nationale est organisée demain à Paris. On passe à l'euro avec des violences également ce week-end à Marseille en marge du match Russie-Angleterre. Il y a eu 35 blessés. Le ministre Bernard Cazeneuve rappelle aux préfets qu'ils peuvent interdire la consommation d'alcool le jour des rencontres. Et l'UEFA hausse le ton et prévient, en cas de nouvelles violences, la Russie et l'Angleterre seront disqualifiées de la compétition. L'euro sur le terrain maintenant. Hier soir, l'Allemagne a battu l'Ukraine 2-0. C'est l'entrée en lice aujourd'hui des groupes D et E. À 21h notamment, la Belgique jouera face à l'Italie. Il est à 7h34. Bon réveil, c'est Bruno dans la radio. C'est Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Lundi, c'est le 13 juin. Bonjour, bon réveil, c'est Fun Radio. David Guetta, Zara Larsson, ça arrive. Dans la demi-heure, il y aura également Dioro Bailar. Et juste avant la chanson du jour, j'ai un cadeau de ouf à vous offrir ce matin. Vraiment. C'est-à-dire que pensez à vos factures de téléphone portable. Facture de téléphone portable, on est d'accord, c'est une tannée, ça tombe tous les mois. Pour peu que t'aies un forfait un peu chiant, si tu débordes parce que t'as pris voilà, l'abonnement 4G, t'as téléchargé un truc qui n'était pas prévu, t'es allé sur un site, Elliot, je vais pas dans les détails, mais on s'est compris, ça te coûte une blinde. Je vous offre un cadeau de ouf à l'occasion des 20 ans de Bouygues Télécom. Je vous offre ce matin, et je vais faire ça toute la semaine, votre Golden SIM. Et là, la question que vous vous posez, c'est la Golden SIM, qu'est-ce que ça aille. Vous avez tout en illimité. 4G Bouygues Télécom illimité. Appel, SMS, MMS illimité pendant 2 ans. Et je la veux, moi je suis chez Bouygues, je la veux. 24 mois de portable, full crédit, vous payez que dalle. C'est énorme. C'est genre dans le monde. C'est partout. partout. Et tu ne payes rien, rien, ça ne vaut rien. Peanuts, be well do. Genre, tu veux appeler pour commander des sushis, mais tu dis je veux des vrais, tu peux appeler au Japon pour te les faire livrer. Exactement. Mais, tu peux, mais par contre, tu payes les sushis quand même. Attention. Ouais. Là, ils payent l'abonnement. Vous voulez gagner, eh bien, c'est simple. Vous envoyez Bruno par SMS au 74 900. Et là, il y a une question qui va vous être posée. Je vous la donne maintenant, la question. En moyenne, combien de fois Elliot fait-il de fautes de français par émission? Est-ce que la réponse est 0 ou est-ce que la réponse est 20? Oh, bah c'est 20. Ouais, vous envoyez Bruno par SMS au 74 900, vous répondez à cette question. Et là, si votre numéro de téléphone est tiré au sort tout à l'heure en fin d'émission, on le fait quoi? Pendant une demi-heure ou à la fin de l'émission? Comme tu veux, Bruno. Ouais, non, pendant une demi-heure. Allez, vous savez quoi? Aujourd'hui, on le fait pendant une demi-heure. Vous avez jusqu'à 8h06. 8h06 pour envoyer Bruno par SMS au 74 900 et donc vous gagnez 2 ans de téléphone portable full communication, full gratuit. Énorme. Et je vous le dis, même si vous n'êtes pas chez Bouygues Télécom, vous n'aurez pas besoin de changer votre numéro de téléphone. Non, bien sûr, ils sont sympas chez Bouygues pour ça, ils ont pensé à tout. Bruno par SMS au 74 900, bon courage. Are you ready? Bruno. Le lundi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du lundi. La chanson du lundi. Faites sonner le clairon pour Marine. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Coucou. Bonjour Marine. Marine, tu habites à Monaco. Oui. Eh bien bonjour au Monégasque. Oh, Monaco. La richesse, l'élégance. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de clichés sur Monaco, mais tu peux aussi habiter Monaco sans être forcément des blancs. Voilà. C'est vrai? Bah, c'est bien rare. Sûr. Ah, moi j'y suis jamais allé, mais j'imagine que tout le monde est riche, que genre le pauvre là-bas il gagne 10 000 euros par mois, tu vois. Non, non, il aimerait bien le pauvre. Bon, Marine, alors tu m'as écrit à bruno@funradio.fr, c'est le principe de la chanson du jour. Tu veux faire passer un message à quelqu'un, moi je fais passer ce message en chanson, et en l'occurrence ce matin, le quelqu'un c'est ta sœur Océane, de 5 ans, ta cadette. Oui, c'est ça. Tu m'as dit que vous étiez très proche, que vous vous disiez tout, y compris niveau garçon. Toi, en ce moment, tu es en stage à Monaco depuis 2 mois, donc ça fait 2 mois que t'as pas vu ta sœur qui te manque. Elle va passer son bac option mercatique dès le 15 juin, c'est-à-dire que ça va débuter pour elle, bah, un peu comme tout le monde, hein, dans 2 jours. Et elle a postulé dans plusieurs écoles de commerce. Elle est actuellement en liste d'attente pour les écoles de commerce et elle stresse à mort pour son bac. Pourquoi? Parce que pendant 4 mois, elle a eu un pépin de santé. On va pas rentrer dans les détails, mais ça y est, c'est arrangé, tout va bien. Le seul problème, c'est que bah, elle a rattrapé les cours, mais elle est un peu en retard, elle est un peu en stress. Et toi, en fait, tu voulais lui faire passer un message. C'est quoi le message, Marine? Voilà, donc on est séparés depuis un moment, donc je voudrais lui dire qu'elle me manque, que je suis fière d'elle, qu'elle ait réussi à rattraper son retard et qu'elle arrête de stresser, parce que de toute façon, elle va y passer par ce bac et qu'elle va le réussir. Yes. C'est bon. Les messages entre sœurs, je trouve ça génial. Ah, j'adore. Est-ce qu'il y a plus important dans la vie qu'un frère ou une sœur? C'est ouais. C'est vrai, vraiment. Une PS4, par exemple. Marine, pendant que je suis en train de te parler, ta sœur est en train d'attendre au standard, on va lui faire passer le message, puis après tu vas lui dire toi de vive voix, d'accord? Ça marche. Ça sent l'alerte Rimmel. Je vous le dis, voilà, pour les auditrices de Fun Radio, les fidèles là, qui sont dans la salle de bain en train de se maquiller, ça peut sentir l'alerte Rimmel. Moi, je te préviens, Bruno, si tu pleures, je pleure. Hein, parce que je suis comme ça. Au téléphone avec nous ce matin, il y a Océane à Pau. Bonjour, Océane. Bonjour. Océane, je m'appelle Bruno Guillon et tu es en direct sur Fun Radio. D'accord. Et si tu es en direct sur Fun Radio ce matin, Océane, c'est que j'ai un message à te faire passer, c'est une chanson. Oui. Il faut que tu écoutes les paroles. C'est un message de la part de Marine. D'accord. Tu vois qui est Marine? Oui. C'est qui? Ma sœur. Eh ben voilà, c'est un message de ta sœur. T'écoutes les paroles et on en parle juste après? Ça marche. C'est parti. Je sais que t'es stressé, t'es en train de douter. Mais si je suis là ce matin, c'est pour te rassurer. T'inquiète, tu vas tout déchirer, car t'as beaucoup révisé. Alors Océane, arrête de flipper. Malgré tes soucis de santé, t'as jamais abandonné. Océane, je te le dis, tu es ma fierté. Alors les galères, je te le dis, c'est terminé. Moi je te le dis, la roue a tourné. Tu mérites enfin un peu de kiffer. Alors Océane, n'en aie plus peur. Car même si je suis pas à côté de ma sœur adorée, je t'envoie plein de bonnes ondes par la pensée. C'est ton bac, tu vas l'avoir les doigts dans le nez, nez, nez, nez. J'ai qu'une hâte, c'est de fêter ça à tes côtés. Enfin t'inquiète, même si tu l'as pas, je t'aimerais quand même. On est sur de la rime riche quand même. Ça fait des rimes, oui quand même. Océane. Oui. Est-ce que tu as compris le message? Oui. Marine. Oui. Tu es en direct avec ta sœur. Coucou Océane. Bon, je pense que t'as compris le message. Mais ce que je voulais te dire, c'est que même si je suis pas avec toi, je sais que t'as beaucoup travaillé et que ce bac, ça va bien se passer. Et je penserai très fort à toi et je suis très fière de toi. Donc quoi qu'il se passe, je serai là. Merci beaucoup. Je t'aime. Oh, merci. Voilà. Un peu d'amour le matin. Ça fait du bien. Bien sûr, mais en plus, les frères et sœurs, c'est une vraie valeur refuge. Oui, ah oui, vrai. Oui, oui. Est-ce qu'il y a plus important qu'un grand frère quand t'as une petite fille? Ouais, je sais pas. Moi, j'ai déjà essayé de me réfugier, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Dans ma sœur, le juge, il a dit non, c'est interdit. Maintenant, si tu me dis que c'est possible, on va peut-être en reparler. Mais moi, je veux bien me réfugier dans ta sœur. Ah ouais, c'est ma sœur est un refuge. Le seul truc, c'est qu'il y a déjà la queue. Mes amis, je suis en train de partir sur un moment émouvant avec deux sœurs qui sont en train de se dire je t'aime, ouais. Et vous, ça finit sur un truc trash. Et Bruno, tu l'as déjà croisé, ma sœur. Toi, le premier, tu le disais. Elle est commerçante. Ouais, mais bon, il y a du monde au portillon. Océane, pardon. Marine. Oui. Je vous fais des bisous. Océane, tu me déchires tout pour le bac, hein, d'accord, ma belle? Ça marche. Allez, gros bisous. Bisous. Marine. Oui. Je te fais des bisous, ma belle. Gros bisous à tous. C'est continué comme ça. Ciao, ciao. Et moi, j'embrasse aussi ma sœur, Jade, que j'aime très fort. Non, pas de vanne, elle est mineure. Elle a 13 ans, vachée. Voilà, elle a 13 ans, vachée. Ouais, mais t'inquiète pas que dans 7 ans, je reviendrai au micro et j'aurai des trucs à dire. On avait dit pas la famille. Oh, il n'y a plus de respect. Oh là là, pas la famille. Oh, ça va. Ah, elle est jolie, c'est ça. Non, c'est vrai que la sœur de Vaché, je... Ouais, en plus, franchement, il aime bien qu'on vanne sur sa sœur. Ouais, ça me met souvent à l'aise. Ah, même moi, je pourrais avec ta sœur Vaché. Ouais. Ah ben, ça fait plaisir. Mais dans tu passes derrière, hein, dis donc. On est 857. Hein. Il y a tout l'annuaire des Hauts-de-Seine qui attend, donc t'es gentil. David Guetta, Zara Larsson, ça arrive. Bonjour, Franck. Salut. Franck, c'est donc lui qui a eu le délire. Je fais une soirée McDo, et là, c'est le drame. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, mon Dieu. La réponse en deux minutes. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. The Chainsmokers. Galantis. Yo, what's up? This is the Major Lazer crew right here on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Comme pas mal de jeunes diplômés, Romain a longtemps cherché un premier poste. Il a cherché parmi toutes les entreprises qui pouvaient l'intéresser. Il a cherché comment avoir le meilleur CV. Puis il a cherché sur Le Bon Coin. Et grâce à ça, aujourd'hui, il cherche encore, mais pour un grand laboratoire. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux. L'idée, c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. You baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills. you baby, and me. To the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is it, the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat, make the beat just take control. As long as I keep dancing, free up yourself, get out of control. Baby, bonjour la famille, 7h48, il sent bon l'été, cet habillage Bruno dans la radio. Ça y est, c'est l'habillage de l'été, les petits jingles de l'été. Ils vont durer deux semaines, donc profitez-en. Chainsmokers, ça arrive dans la demi-heure. Bailard, Euro ou encore notre petit Mathieu, Mathieu Cannabis. 8h10 en direct sur Fun Radio, je vais payer de la facture. Dans 5 minutes, il y a le JP, journal porn image. Au journal de l'émission, mais pour l'instant, j'aimerais que nous revenions sur cette histoire. J'ai lancé ça avec beaucoup de suspense. Donc j'espère qu'à la finalité, je serai récompensé d'avoir tenu en haleine toute la famille Bruno dans la radio, qui écoute la radio, là en se disant, mais que se passe-t-il dans la vie de Franck d'Antibes ? Alors, Franck d'Antibes a appelé le 32-28. Et Franck d'Antibes nous a dit hier... J'étais seul chez moi, du coup j'ai décidé de me faire un magno. Exactement. Et là, c'est le drame. Que s'est-il passé ? J'espère que c'est à la hauteur de nos attentes. Rebonjour Franck. Salut Bruno, salut la famille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me commande le McDo au drive, tout nickel et tout. J'étais tranquille à la maison, je me préparais le bon petit délire devant le match de foot. Et en fait, au moment de déballer le repas, je vois déjà que dans mon menu double cheese, il n'y avait plus... en fait, il n'y avait pas de viande. Voilà, déjà. Carrément, quoi. Un sandwich sans viande, non. D'habitude, ils oublient la sauce. Là, les gars, oublient la viande. Mais c'est pas fini, en plus. Mais raconte. Et que j'avais commandé des potatoes, ils m'ont mis des frites. Ouais. Et j'avais demandé un Sprite, et ils m'ont mis du Coca Zéro. Oh non, c'était pas ta commande, nickel. C'est pas possible. Donc t'as eu du pain de mie avec un Coca Zéro, quoi. Et t'as payé voilà, ça. C'est ça, en fait. Et t'as payé ça 10 balles. Il a eu un repas de tolard, le gars, du pain sec, quoi. McDo, c'est venez comme vous êtes, partez comme un con. Ouais, voilà, c'est ça. Mais mec, attends, et tu t'es rendu compte de ça en rentrant chez toi ? En rentrant chez moi, ouais. J'avais commandé le McDo, j'avais pris, dit c'est bon, j'ai déposé ma femme chez la belle-mère et tout, avec le gosse, tranquille. Je me fais mon repas fou tranquille. Et je rentre à la maison. En plus, quand on est au drive, on regarde la commande vite fait. Je regarde, je dis c'est bon, il y a le sandwich, il y a les frites, bon, la boisson, hop, c'est bon, allez, hop, et je taille. Et en fait, en rentrant chez moi, 20 minutes après, voilà. Quoi. C'est quoi ? Moi, je me suis déjà vénère à cause des sauces. Mais oui, mais moi, ça reste des sauces. Ouais. Non, y a les deux délires de chez Domac, c'est les sauces. Ouais. Et quand t'as un enfant. Moi, je t'explique, ils m'ont déjà foutu un jouet pour fille, et t'arrives devant ton fils qui a 6 ans, et il ouvre, et il a un truc Hello Kitty, ou du machin Transformers, je peux te dire qu'il est mal. Hein. Je peux te dire que va lui expliquer. Mais là, le Domac, où c'est pas la bonne boisson, il n'y a pas de viande dans le sandwich, Je pense que. Ah non, mais j'ai pété les plans. Franck, je pense que le gars ne t'aime pas. Ah, là, c'est ça. Non, c'est ça. Là, c'était juste pour toi. Oui, Elliot. Mais qu'est-ce que t'as fait alors du coup? T'as mis une tranche de jambon dedans parce qu'il faut te faire des sandwichs qui te font kiffer derrière, quoi. Bah, derrière, je me suis fait des pâtes, hein. Oh, oui, parce que, oh, non, en fait, le McDo, tout le monde apprécie quand c'est bien dosé comme tu l'aimes. Et s'il manque un seul truc, ça gâche tout. Et tu peux essayer de remplacer, par exemple, la sauce barbecue par ton ketchup que t'as dans ton frigo. Non, c'est pas le même goût, ça gâche tout. Franck, j'adore cette anecdote. Je t'embrasse, mon pote. Passe une belle journée. Non, en plus, tu sais, t'arrives chez toi, ils le savent, ils savent que quand t'arrives chez toi, tu reviens pas. Mais bien sûr, tu vas pas trop taper 40 bornes pour aller jardin. Surtout, si c'est pour mater le match de foot, t'arrives juste avant le démarrage du truc, tu sais, tu t'installes tout bien devant la télé. Putain, même pas la viande dans le cheese quand même. Mais moi, je pense qu'il y a des scientifiques qui mettent à base ces sauces parce que pour avoir fait plusieurs tests dans ma vie, j'ai déjà combiné McDo et Quick. À un moment, j'avais envie Je sais comment ça se passe dans ces cas-là. Vous écoutez Fun Radio et vous vous dites, je n'aimerais pas entendre cette discussion, je préfère avoir un disque. Eh bien, c'est là où moi j'interviens. Je vais continuer cette discussion en rentrée. Avec Elliot. Ah, merci. Parce qu'il y a les frites du Quick et les sauces du Quick. Vous écouterez Zara Larsson avec David Guetta. Ah, merci, c'est gentil. Et c'est fou, genre, si tu prends des potatoes avec les sauces du Quick, ça marche pas. Et après, le truc, c'est que si tu prends aussi des frites et tu les mets dans la. Wake up, everybody! It's Zara Larsson with Bruno on Fun Radio. We were born to fly and let the moment. Journée de Vacher. Vacher, là, qui est en antenne, nous disait, putain, alors aujourd'hui, il y a quoi? Il y a la Suède qui joue, ce soir, il y a Belgique, Italie, j'ai encore rien glandé aujourd'hui. Ah ouais, je regarde tous les matchs depuis le début, moi, je les regarde tous. J'ai même regardé Irlande du Nord, Pologne. Je me suis fait chier, mais j'ai regardé, en entier. Mais ceci dit, moi, j'aime bien aussi, hein. J'ai regardé aussi quasi tous les matchs. Je sais pas, ça me fait kiffer, j'aime bien l'ambiance. D'entendre David Guetta à chaque fois qu'il y a un match et tout, ça me fait kiffer, j'adore. Christina, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait, je sais pas, 7-8 ans. Ouais. Ça te dérange pas si maintenant, quand tu parles au micro avec cette voix, je me mets tout nu? C'est juste pour savoir. C'est vrai que c'est sympa, cette voix. Ouais, moi, j'ai les voix cassées. Vous trouvez ça sexy? Ouais, très. Ouais. Comment t'es habillé dessous, dis-le? C'est gênant ou pas? Vacher, tu veux qu'on parle de ta sœur? Non, c'est possible. Allez, dans 5 minutes, 8 heures. Le JPI vous est présenté par la grosse émission. Tous les jours sur Comedy Plus à 18h22. Environ. Fun. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 7h50 du JPI. Et pour commencer, examen à 2 jours du début du bac, de nombreuses applications sont disponibles pour aider les lycéens dans les révisions. En gros, au lieu de jouer à Boom Beach, téléchargez Boom Niche. tout en finesse. Événement dans quelques jours ouvrira à Shanghai un nouveau parc Disney. Ah, et il y aura Mickey, Minnie, Pluto et Dingo ? Non, mais par contre, il y aura Mickey, Minnie, Pluto et Dingo. Pour le match d'ouverture de l'Euro, la France s'est imposée 2-1 face à la Roumanie. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement avec l'équipe roumaine. Bah, ils n'ont pas l'air trop déçus d'avoir perdu. Non, ils sont ravis même. Il y en a même un qui a récupéré la pièce de l'arbitre qui servait au coup d'envoi. C'est comme s'ils avaient gagné l'Euro. Ouais, se contenter de peu, c'est une vraie richesse. À dans une heure pour un nouveau reportage. Et pour finir, si vous aimez la nourriture et Facebook, mangez un œuf à la POC. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. On voit la différence entre les deux membres du JPI. On voit la personne qui, à 2h30 du matin, est partie se coucher vendredi soir parce qu'elle s'est dit, voilà, cette situation va déraper. Exactement. Moi, je sens quand ça part en sucette. C'est Karina et il y a Mika qui, lui, est parti avec la sucette. Hein. Ouais, c'est ça. On sent que le gars s'en fout. Tu sais, t'as beau lui dire, mec, arrête de gueuler comme un putois, tu n'auras plus de voix lundi. C'est-à-dire qu'il oublie, voilà, il oublie le vendredi. Entre le vendredi et le dimanche, il oublie que si je lui donne un conseil, c'est que je suis un peu son patron. Fout, T'as remarqué que Mika, c'est le seul qui arrive à la gare le lendemain, toujours bourré, comme s'il n'avait jamais dormi. J'arrive, alors les gars, on va monter dans quelle voiture. Ouais. Mais il sentait mauvais. Moi, j'ai voyagé à côté de lui, il sentait très mauvais. Bon, ça va là, c'est bon quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est-à-dire que le gars c'est est quand même fait. Arrivé, il est arrivé en courant quand même dans le couloir de la gare, en étant persuadé qu'il allait rater le train. On peut quand même en parler quoi, tu vois. Le gars est arrivé, nous on était posé en train de boire un petit café, le gars. Ça va, Mika? Toujours debout. Bailard et Oro, ça arrive sur Fun Radio et il vous reste moins de 10 minutes pour repartir avec un cadeau de ouf et on va vous offrir ça toute cette semaine. Vous repartez avec une Golden SIM Bouygues Télécom. À l'occasion des 20 ans de Bouygues Télécom, je vous offre cette carte tout en illimité. 4G Bouygues Télécom illimité, appel, SMS et MMS illimité pendant 2 ans. Vous vous servez de votre téléphone portable sans rien payer. C'est quand même un vrai kiff. Ça se gagne là. Par tirage au sort, il suffit d'envoyer Bruno par SMS. À 8h06, on va choisir un SMS au hasard. Là, parmi tous ceux qu'on aura reçus dans la demi-heure, peut-être un SMS qui va arriver maintenant. Là, vous aurez autant de chance que celui qui est parti il y a 20 minutes. Et si je vous appelle en direct, vous gagnez ces 2 ans de téléphonie complètement gratuite grâce à nos amis de chez Bouygues Télécom. Bruno par SMS au 74 900. Bon courage. Dans un monde sans espoir, sans âme, sans rire, sans dentifrice, elle est la seule à pouvoir changer les choses. La grosse émission revient sur Comédie Plus, du lundi au vendredi à 18h22. Environ. Skoda. Attends, je connais une technique pour réparer ton pneu. D'abord, tu fais fondre un morceau de caoutchouc avec un briquet, tu vois. Non, mais t'inquiète. T'étales bien au niveau de la crevaison, tu laisses sécher. Oui, mais... Ensuite, faut gonfler. Pff, non, tu prends une pompe à vélo. C'est bon, je te dis. Chez Skoda, mes pneus sont assurés 3 ans et 100% remboursés la première année en cas de dommage. Et jusqu'au 13 juillet, le pneu Continental 16 pouces est à 69€ seulement. Et je peux prendre rendez-vous sur skoda.fr/RDV. Clic, clic. Ah. Skoda. Passer en mode facile. Offre réservée aux particuliers chez les partenaires participants, conditions sur skoda.fr. On finit par l'Australie après un mois en Asie avec les sacs à dos et hop, retour en France. T'as vraiment de la chance. Et comment tu fais pour ta glycémie? T'inquiète, j'ai tout prévu. J'ai un nouveau lecteur directement connecté à mon mobile. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch VarioFlex, vous savez clairement où vous en êtes. Vous pouvez également gérer vos résultats via l'application mobile OneTouch Reveal et continuer à vivre pleinement. Ok, t'as vraiment tout prévu. Je peux me glisser dans ta valise? One Touch, à vos côtés pour avancer. One Touch VarioFlex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de live scan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Bon, prenons un élève qui entre en terminale S. Si l'on considère qu'il est en pleine forme pour la rentrée, mais qu'en parallèle il a peur d'avoir tout oublié en maths pendant les vacances, comment faire pour qu'il retrouve sa motivation et ses connaissances? Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour aborder la rentrée bien préparée. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr ou au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam oui. À 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Les amis, est-ce qu'on peut gagner de l'argent parce qu'il y a une absence de relations sexuelles pendant plusieurs années dans un couple ? La réponse est oui. Je viens de tomber sur une info, les amis, dans le journal ce matin. Je peux vous dire que là, dans tous les couples où il n'y a plus de câlins, ça va remuer dans les slips, je peux te le dire. J'en connais qui vont être riches dans l'équipe. Et surtout que j'ai le chiffre, parce que c'est un truc qui est passé au tribunal. Ben, je vous parle de ça là dans moins de 3 minutes sur Fun Radio. Fun Radio. Le son. Fleur. Le point sur l'actu de ce lundi 13 juin, bah ça c'est pas un problème qui risque de toucher Justine Salmon, hein, visiblement. Le manque de sexe dans les couples. Oh. Alors, comment ça va Justine ? Bonjour. Passé un bon week-end ? Ouais, très bon. Ah, fatigant apparemment, mais bon. Bah, j'ai fait la fête avec vous. Oui, ouais. Bah, c'est c'était bien un ça le problème. Marathon pour Justine. Allez, on y va tout de suite. On va commencer par la météo de la personne. Hein. Et c'est pas terrible, la météo du gris et de la pluie sur une grande partie du pays. On aura des éclaircies dans le sud de l'Aquitaine à la région PACA. Les températures, elles sont très douces, de 11 à 16 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 17 à Belfort, 19 degrés à Paris, 20 à Bordeaux et 24 à Nice. Et si on regarde les prochains jours, ce sera plutôt mitigé. Le retour du beau temps est prévu pour la fin de semaine. On ouvre ce flash avec ce drame qui fait la une de tous vos journaux ce matin. C'est la pire tuerie de l'histoire américaine. Et ça s'est passé ce week-end dans une boîte de nuit gay à Orlando, en Floride. Et on compte pour le moment 50 morts et 53 blessés. Le tireur, un homme de 29 ans, était un citoyen américain d'origine afghane. Il est mort lors d'un échange de tirs avec la police. Hier soir, l'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'acte. Des changements entrent en vigueur ce lundi dans le cadre de la modernisation de l'examen du permis de conduire. Alors notez qu'il faut désormais payer 30 euros pour passer le code. C'était gratuit jusqu'ici. Il est désormais possible de passer son code à la poste ou dans un centre de contrôle technique automobile de l'enseigne SGS. L'objectif, c'est d'alléger l'emploi du temps des inspecteurs afin de réduire les délais d'attente. La loi travail passe par la case Sénat à partir d'aujourd'hui et les grèves continuent à la SNCF et chez Air France. Demain, une grande manifestation nationale est prévue à Paris. Et puis on parle foot avec l'Euro. Hier soir, l'Allemagne a battu l'Ukraine 2-0. On a trois matchs à suivre aujourd'hui, dont celui à 21h qui se joue à Lyon. La Belgique qui jouera face à l'Italie. Il est 8h04 et c'est Bruno dans la radio. Bon réveil. Lundi, c'est le 13 juin, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 8h04, bonjour ! Bonjour ! Ce que vous entendez derrière nous, c'est la petite musique qui va nous accompagner pendant deux semaines. C'est le générique de l'été de Bruno dans la radio avec le son. Le son qui va vous faire bouger cet été, 10 euros, la Bailar, ça va arriver dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. 8h10, je paye de la facture, il y aura Mathieu. Mathieu Canabi. Et juste avant 8h30, si on a le temps, je vous passerai Benassi, Benny Benassi. Dans 10 minutes, je vais payer de la facture. On a la Golden Sim, la Bouygues Télécom, à vous offrir par SMS. Vous envoyez Bruno au 74 900. On va faire le tirage au sort là dans une ou deux minutes. Maxi, 8h30, il y aura... Le jeu des 30 secondes, jeu des 30 secondes ce matin, grâce à Cdiscount et grâce à l'occasion, grâce à l'ouverture de l'euro, je vous offrirai votre TV LG Full HD de 126 cm. Et ah ouais. 126 cm, c'est ça beaucoup. Fait beaucoup. Et c'est pas Justine Salmon, notre journaliste, qui vous dirait le contraire. Ah, bien joué. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est là ce matin. Il y a Christina. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Et bonjour. Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Oui. Et ce qui reste de l'équipe après ce qui s'est passé ce week-end. C'était ouf. Si vous avez raté, parce que on a mis le film de ce week-end, donc vendredi soir, voilà. On est la première émission de radio à faire ça. Je pense à se pointer chez les auditeurs pour regarder un match de foot. Je tiens à dire donc qu'on a passé une soirée de ouf chez notre pote Pierrick. Ouais, c'était énorme. Qui avait envoyé le hashtag Bruno dans ton salon. Je tiens à dire également que Vaché va avoir une punition cette semaine, puisque si vous avez suivi, on avait fait un live Facebook en fait pendant le match. Il y a des gens qui pouvaient regarder le match chez eux, s'ils regardaient tout seuls. Ils mettaient le Facebook live et ils nous voyaient, nous, sur notre canapé en réaction. Et c'est vrai que je me suis énervé beaucoup parce que la télé arrêtait pas de tomber en panne. On a trouvé le seul mec de Loire-Atlantique à la télé qui s'éteint toutes les deux minutes. Mec, on a une putain de télé qui coupe toutes les deux minutes, bordel. Ouais, ça m'avait énervé. À chaque action un peu importante, ça coupait. Et donc, on a mis la vidéo du week-end hier sur la page Facebook pour vous résumer un peu ce qu'on avait fait là du côté de Nantes. Et puis, du coup, au détour de cette vidéo, j'ai vu un moment Vacher qui a balancé un truc. Juste dire aux auditeurs qu'en fait, la télé s'est coupée tout le temps ce soir. En fait, c'est moi qui ai une application. Et j'ai fait chier tout le monde. Ils se sont pas rendus compte que c'était moi qui coupais dès qu'il y avait une action. Je pense que je le dirai lundi à l'antenne et que je vais me faire défoncer. Voilà. Donc, on va trouver un gage hein, pour Vacher. C'est vraiment une enflure. J'avais un peu bu, sinon je voulais pas le dire. Mais là, c'est quand t'es un petit peu alcoolisé, t'es en confiance. Tu dis, allez, je vais mettre tout le monde dans la confidence. Oh, peut-être quand t'es un peu alcoolisé, faut pas faire de commentaires sur le football. Est-ce qu'on pourrait écouter le commentaire de Christina à l'issue du match? Non, mais en vrai, je voulais un premier beat. Alors on le remet. Non, mais en vrai, je voulais un premier beat. Voilà, un beat. Donc, tu voulais un premier beat? Ouais, ah, bah ça va, j'ai dit beat pour Je voulais un premier beat pour me mettre dans l'ambiance de la soirée. Non, mais on était déchaînés, en vrai, c'était déchaînés un week-end aussi. De ouf. C'était alors, génial. Justement, puisqu'on en parle, j'ai un sujet concernant un peu le sexe. Vous allez comprendre. Alors. Un truc qui vient de passer au tribunal de Nice en première instance. Il y a une femme qui a porté plainte contre son mari, ça fait 21 ans qu'ils étaient mariés, d'accord. Et alors, autant au début, il faisait ça souvent, autant au bout d'un moment, c'est devenu le néant sexuel. Ah, ça m'intéresse. Et il faut savoir que c'est marqué dans la loi française, quand tu te maries, il est écrit que les deux époux doivent remplir leurs devoirs découlant du mariage. Et ça comprend les relations sexuelles, d'accord? Ouais. Et donc la nana, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a porté plainte contre son mari pour manque de relations sexuelles. Je te jure que c'est vrai. Donc elle a demandé des dommages et intérêts pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années. Le mec a perdu. Il a fait appel, il a reperdu. Ouais. Et aujourd'hui, il doit à sa femme, d'après vous, combien? Ah, oh, je sais pas, ça peut pas être plus de 500 euros quand même. Ouais, bah allez, peut-être 1000 euros, ouais, mais c'est déjà beaucoup quoi. 2000 peut-être, vas-y. Il lui doit 10 000 boules. Oh, quoi? Oh, mais la non. Vache, mais attends, mais c'est une porte ouverte de ouf là. Bah, 10 000 euros, oui, je te confirme. Ah ouais, bah. Ouais. Mais attends, petite question, comment ils ont fait pour vérifier qu'ils avaient vraiment pas de rapport sexuel? Je sais pas, bah, ça, je sais pas. Ouais, après... Je crois qu'il y avait des toiles d'araignée dans le nanan. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est ouf. Ouais, 10 000 euros, donc voilà, ça c'est un vrai argument du coup en couple. J'ai l'impression que Bruno, t'as de quoi devenir milliardaire. Hein. T'as plus qu'à porter plainte. J'ai l'impression que dans l'équipe, je vais pas être le seul. Ah bah non, mais t'inquiète pas, on va s'acheter tous les deux des Bugatti et puis on va se la péter. Le mot Bugatti, mais pourquoi? Je sais pas, c'est des belles bagnoles, non? À quel moment tu pars sur le mot Bugatti en radio? Il y a un mec qui parlait de ça sur internet en disant que c'était des belles voitures. Ça marche pour les gens qui sont pas mariés ou... Non, bah non. Bougez pas, je vais la demander en mariage, j'arrive. Et on aura tous les trois des belles bagnoles. Allez, Bailar 10 euros, c'est tout de suite sur Fun. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡Qué la cosa! Bailar como Dios, así no jodas. c'est Fun Radio, Mathieu Canabi qui arrive. Et là, mon Mathieu Canab. La canab, comme on dit dans le métier. Miss California, ça arrive, et juste avant de payer de la facture, je vais vous offrir 2 ans d'illimité. C'est la Golden Sim Bouygues Télécom à l'occasion des 20 ans de Bouygues Télécom. Ça a déjà 20 ans, Bouygues Télécom ? Bah ouais. Oui. J'ai l'impression que ça a commencé avant-hier. Bouygues Télécom vous offre ce matin votre Golden Sim. C'est tout en illimité. 4G Bouygues Télécom illimité, appel, SMS, MMS illimité. C'est pendant 2 ans. Pendant 2 ans, vous n'avez pas de facture de téléphone. Je crois que le plus kiffant dans l'histoire, c'est la 4G limitée. Fini la 4G, justement limitée, où tu te retrouves en limitation et ouais, tu vas à 2 à l'heure et tout, au bout de 2 jours et tout. Là, c'est énorme, t'as de la 4G. Merci tout le temps. Pour cette phrase, Elliot. Fini la 4G illimitée où tu te retrouves en limitation. Ouais, bah ouais. C'est une phrase un peu limite, j'ai envie de te dire. Ouais. Vous avez envoyé Bruno par SMS au 74-900. Je vous appelle maintenant en direct. Et vous allez peut-être gagner cette Golden Sim. On va vous offrir cette Golden Sim Bouygues Télécom tous les jours jusqu'à vendredi. Et comme j'appelle au hasard, je sais pas qui j'appelle, hein, forcément. Si ça répond pas, on passe à notre coup de fil. Ah, ça répond. Oula. Allô ? D2R2, c'est toi ? Oui, allô ? Allô ? Oui, allô ? Allô ? Qui est à l'appareil, enfin ? Qui m'appelle ? Déclinez votre identité. Ah bah c'est raccroché. Ah bah, alors, on rappelle. Bah on rappelle. On rappelle, on rappelle. Quand même. Et puis qu'il y a quelqu'un qui envoie un SMS à l'émission en sachant qu'on va faire des cons, quand même. Il y en a, c'est dire, d'ailleurs, c'est pas très sérieux. On va essayer, ouais. Attends, coupe la musique, derrière, coupe la musique. Ça décroche. Oh non. Moi, je réponds pas à ces voyous. Allô ? Allô ? Oui. Oui, allô, qui m'appelle ? Quel est votre prénom ? Dominique. Bonjour, Dominique. Dominique s'en allait simplement auprès des gens. On connaît pas les paroles, on s'en fout, on s'en fout de folle. Dominique, nique, voilà. Dominique, t'habites où ? À Bazoges, sur Guyane. Dominique, t'as envoyé un SMS à Fun Radio ? Oui. Et ben, tu viens de gagner 2 ans d'abonnement en illimité, Bouygues Télécom, une Golden Sim. Bravo ! Ouais. C'est pas vrai. Eh ben si, c'est vrai. Dominique, t'as eu qu'à pas envoyer un SMS ? Oui. Et ben voilà. Par hasard, parce qu'en fait, je gagne jamais rien. Et ben voilà, et ben ce matin, tu gagnes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça que ça se passe. Dominique, tu as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? Alors, j'ai 54 ans et je suis infirmière. T'as 54 ans et tu es infirmière. Eh bien, tu fais partie de la famille. Car oui, même à 54 ans, tu peux venir ici à Fun Radio. Je t'offre la Golden Sim Bouygues Télécom à l'occasion des 20 ans de Bouygues Télécom. On t'explique en antenne comment ça se passe. D'accord ? D'accord. Eh bien, je t'embrasse, Dominique. Eh bien, moi, je vous embrasse tous et je suis ravie de vous retrouver dans l'embouteillage tous les matins. Et ben, écoute, merci. Moi, c'est pour ça que j'aime les bouchons aussi. Allez, on te fait des bisous, ma belle. C'est Fun Radio, 8h15. Bruno, allô ? Paye vos factures. Bruno ! Oui, je sais, nous sommes un petit peu en retard pour payer des factures. Et le monde entier, dans ces cas-là, s'interroge et se dit « Mais comment se fait-il qu'ils aient autant de retard ?» Je suis sûr que le moindre petit fermier dans l'Oregon qui est en train de nous écouter via Internet dans son tracteur peut se le dire. Oh, on my tractor, I'm very happy. Sur mon tracteur en train de récolter du maïs. Alors, je roule vite, forcément, mais j'attends la facture qui n'arrive pas. I ask my sister, can you show me your boobs? Et là, je demande à ma sœur, mais que font-ils ce matin pour être autant en retard? Bien sûr. Merci, Stephen. Ils sont sympas, hein, les fermiers. Oui, aussi, on part ce matin du côté de Saint-Paul-de-Vence. Ou alors Saint-Paul-de-Varce. Si on est dans le 38, on est en Isère, c'est peut-être plutôt Saint-Paul-de-Varce. On part chez Marine. Allô ? Allô, Marine ? Oui. Bonjour, Marine. Wow. On a que des extraterrestres. C'est Flipper. C'est Flipper le dauphin. Marine ? Oui. Allô ? Marine, c'est bien toi ? Effectivement, Marine, ça nous fait plaisir à nous aussi. Est-ce que tu peux nous dire quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bravo! C'est bien Bruno! Marine, tu fais quoi dans la vie? Magnifique. Ça va être dur, ça. De toute façon, les assurances, c'est pas le truc le plus facile de monde. Alors, Marine, tu m'as envoyé un découvert. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça t'ennuie si on donne le montant à la peine? Ah, elle est gênée. Je peux comprendre. On peut lui demander ce qu'elle a acheté quand même avec ce découvert, dans quoi elle a dépensé. C'est vrai, t'as acheté quoi avec ce découvert? Oh la chaudasse! Ah, je savais même pas que ça se vendait encore, ça! Oh, c'est pas possible! Arrête, c'est vaché! Ouais, bah je sais, il est peut-être pas très très intelligent, mais enfin bon, ça reste vaché, quoi! Marine! Oui! 359,86€. Merci! C'est le montant du découvert, je te paye ce découvert, Marine! Merci beaucoup, merci. Vous continuez comme ça, vous êtes vraiment super. Tous les matins, je vous écoute, j'ai une heure trajet pour aller au travail et tous les matins, je rigole. Mais Marine, alors pourquoi tu me dis ça en pleurant? Parce que je suis contente. Trop mignonne. Refais-moi un sourire. Oui. Je te fais des bisous, Marine. Merci, vous aussi. Bisous, la famille. Bisous, ma chérie. Un gros bisou, Marine. Marine, je te fais des bisous. Et je te laisse le mot de la fin. Oh, ça lui fera plaisir. 8h19. Vous arrivez pour la première fois ici ce matin, vous vous dites, mais quelle est donc cette radio dont tout le monde me parle? Fun radio, j'ai pas envie d'écouter, ça va me faire chier, je vais retourner sur ma radio d'avant. Puis là, bizarrement, vous êtes en train de nous écouter depuis un quart d'heure et vous avez pas envie de partir. Eh bien, soyez les bienvenus sur... Mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette file-là. Pourtant, même si tout nous oppose, raison ou tentation, pourtant j'hésite. Lorsque je plonge dans ses yeux noirs, c'est toujours la même histoire, la même envie de la serrer fort contre moi jusqu'au bout de la nuit. She's Miss California. Pourquoi? She's Miss California, c'est trop pour moi. Superficielle, je crois. Je ne me vois pas perdue dans un monde qui ne me ressemble pas. Loin d'une réalité qu'elle a semblé oublier. Elle m'a emmené, j'ai voulu tenter le coup. Avec elle, j'ai voulu jouer. Mais l'amour m'a rendu fou. She's Miss California. La famille Canabi, là, qui écoute Fun Radio tous les matins, puisqu'on a vu la maman de Mathieu Canabi au téléphone la semaine dernière. Mathieu Canabi, Miss California. Béni Bellassi, ça arrive là sur Fun Radio. Oh, et puis ce matin, j'ai envie de vous faire voyager dans le temps. Non, tête de Zeus. Oui. Nous allons partir à bord de notre DeLorean radiophonique. Pour repartir plusieurs années en arrière, et je vais partir. Quand je pars en arrière, il faut savoir que je parle avec cette voix. Ah bon? D'accord. Oui. Autant oui. En 2016, je parle comme ça. Dès qu'on repart dans le passé, je parle comme ça. D'accord, oui, d'accord. Et bien, dans près de 10 minutes sur cette radio, vous aurez la chance, le plaisir de réécouter ce son. Elle est là, la Beyoncé. Ah, j'adore. Avant 9h, j'ai ça aussi. C'est ce qui s'appelle du kiff en bar. Non, c'est ce qui s'appelle. Ce qui n'est pas la même chose. C'est du filet de collant en barre. Ça Justin Timberlake, ça arrive. Bon, pour l'instant, on parle popole. People! People de Christina. L'actu people de ces dernières heures avec la reine-mère. Alors, on a quoi au menu ce matin? Ce matin, je vous présente la mère d'un joueur de l'équipe de France. Je vous fais découvrir le nouveau Usher. Adèle a fait un truc très fort ce week-end et Issa Doumbia nous dira s'il a des magnettes sur son frigo. Ouais. Ok. Je vais aller boire un café. Bon, c'est la mère du joueur de l'équipe de France que je veux vous présenter. C'est la mère de Paul Pogba. Ce week-end, les Bleus ont reçu la visite de leurs proches. Et pour Paul Pogba, c'est sa mère qui est venue. Le joueur en a profité pour faire une vidéo dans laquelle on voit sa mère avec casquette à l'envers, lunettes. Elle est en train de danser, en fait. Et en commentaire, il a mis « Swaga, mama ». Voici ce que ça donne, écoutez. Allez, prête, mamso, prête, swag. Swaga, what's poppin'? Ouais. Et il y a sa mère qui danse derrière. Franchement, allez voir la vidéo, c'est sur la page Facebook Bruno dans la radio. Bien de se bouger le cul, voilà. Plutôt que de prendre des vidéos de sa mère. Hein, taper le ballon, range ton portable. Il est où ce Paul Pogba qu'on nous vend, hein? Bah, il va arriver. C'est bien joli de s'écrire Pogba sur le côté de la tête. Bon, ça quand même, on en parle ou pas en coupe de vache? Oui, c'est fait, son délire, il a toujours des coupes de cheveux improbables. Non, mais enfin, on est passé de l'improbabilité au mauvais goût quand même à un moment. J'avoue. Pas ton nom de famille. Parce que si on écrit, si tous les joueurs font comme lui et écrivent leur nom de famille sur le côté de leurs cheveux. D'accord, alors partons là-dessus. Mais comment on va faire pour... Morgan Schenderlein. Comment il va faire le coiffeur, hein? Je te demande un petit peu. Allez. Autre info ce matin, Usher qui vient de dévoiler un nouveau titre. Il est revenu à un style qu'il maîtrise plutôt bien, c'est le R&B de Lover. Alors ça s'appelle Crash et c'est le premier extrait de son nouvel album Flood qui va bientôt sortir. Voici ce que ça donne, ça c'est le début. Oh yeah. C'est quoi ce rire? Je croyais que c'était Usher, j'ai flippé. Et ça c'est le refrain. Mais il s'est coincé les couilles dans un truc. Ah. Moi j'adore quand ils chantent comme ça, Usher. Lâchez les testicules, madame. Bon, Adèle continue sa tournée à travers le monde et ce week-end, elle s'est arrêtée en France à l'Accor Hotel Arena à Paris et elle a fait très très fort. Ouais, je sais ce qu'elle a fait, j'ai mon meilleur ami qui était. C'est vrai. Elle a balancé des images, elle a dit tu me dis si c'est ça, mais par rapport au foot. Exactement, elle s'est arrêtée de chanter pour diffuser donc un extrait du match de l'équipe de France qui avait lieu au même moment, donc c'était France-Roumanie. Voici ce que ça donnait. Franchement, c'est énorme. Il y a eu plein de vidéos sur Instagram. Ouais. Je vous en balance sur la page Facebook Bruno dans la radio. Ouais, parce que du coup, la leçon, ça n'est pas bien con. Peut-être que t'aurais pu éviter ce son, hein, vraiment. Ta mère me kiffe. Allez, on finit avec notre poteau Issa Doumbia. Vous le retrouvez partout en France dans son one-man show Première Consultation et évidemment sur TF1 dans Nos Chers Voisins. Je vais poser cette question. Issa, est-ce que tu as des magnettes sur ton frigo? J'ai rien du tout, il est tout neuf. Donc je ne veux pas commencer à l'abîmer. Alors tu me changes de question, elle est con. On le kiffe, ça. Moi, j'ai des magnettes de ouf sur mon frigo. T'en as de la carte de France ou pas que t'as dans les bâtonnets? Alors, il y en a, il y a ça, ouais. Vous faites des paires d'odus, c'est pour ça? Ouais, aussi. Des cordons bleus? Ouais, les cordons bleus, paires d'odus, bien sûr. Collection. Quand j'étais petit, j'avais ça, il me manquait le Poitou. Personne n'a le Poitou à échanger? Moi, je crois que je l'ai, le Poitou. Ah oui? Parce que j'ai deux fois l'île de France. Non, mais. Vous faites pas chier, ça a changé le nom des régions. Ah bon? 8h26, c'est Fun Radio et Benny Benassi, tout de suite. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember

Retour en France avec une nouvelle semaine de mobilisation contre la loi travail. À la SNCF, le trafic devrait légèrement s'améliorer aujourd'hui par rapport au dernier jour. On a en moyenne 9 TGV sur 10 et 7 TER sur 10. Perturbation également chez Air France. Et à noter qu'une grande manifestation nationale est organisée demain à Paris. On passe à l'Euro avec des violences également ce week-end à Marseille en marge du match Russie-Angleterre. Il y a eu 35 blessés. Le ministre Bernard Cazeneuve rappelle aux préfets qu'ils peuvent interdire la consommation d'alcool le jour des rencontres. Et puis l'Euro sur le terrain maintenant. Hier soir, l'Allemagne a battu l'Ukraine 2-0. Aujourd'hui, c'est l'entrée en lice des groupes D et E. On a notamment à 18h Irlande-Suède et à 21h à Lyon, la Belgique qui jouera face à l'Italie. Il est à 8h30. Bon réveil à tous sur Fun et bonne matinée, c'est Bruno dans la radio. Tous les matins, c'est Bruno dans la radio. Bonjour, oui, bonjour la famille, c'est Bruno dans la radio. Dans quelques secondes, Beyoncé et Jay-Z. Avec bien cette demi-heure, j'ai un petit Calvin et un petit Justin Timberlake. Vous écoutez la première radio dance floor de France, c'est fun, fun, fun, fun. Pas mal ça comme jingle. Je vais lancer ça, je vais chanter dessus. Ouais. J'écoute une radio. Ouais, c'est fun, fun, fun, fun. Oui, c'est chiant. Allez, ça va arriver là, avant 9h du matin. On aura Manuela au téléphone tout à l'heure, elle passe un entretien d'embauche. Est-ce qu'elle est un peu stressée, Manuela, avant un entretien d'embauche? Vous avez déjà passé des entretiens d'embauche? Bah oui. Christina? Ah bah oui, je me souviens. Justin avec toi. Ouais, c'est vrai. Et ça s'était très bien passé. Je peux te dire que t'aurais eu cette voix-là le jour de l'entretien, je t'embauchais à la seconde. On n'a jamais retrouvé sa culotte d'ailleurs. Bref. Vacher, t'as eu de l'entretien d'embauche toi ou pas? Ouais, j'en ai. Mon premier, c'était pour gérer une boutique, enfin pour être vendeur dans une boutique Orange. Et j'avais mitonné, j'avais dit que j'avais déjà géré une librairie tout seul parce que mes parents tenaient une librairie. Enfin, j'avais inventé n'importe quoi merde. En disant que j'ouvrais, que je savais gérer la caisse et tout. Et du coup, dès le deuxième jour, ils m'ont laissé tout seul. Et ben, j'ai galéré. Hein. Et puisque tu parles d'entretien d'embauche, Bruno, j'en profite pour faire un gros bisou à Brigitte. C'est la maman d'une auditrice qui est venue nous voir ce matin, qui s'appelle Charlotte, et qui a un gros rendez-vous avec son boss ce matin. Voilà, on pense fort à elle. Voilà, et Brigitte, puisqu'on t'a via la radio, sache que Charlotte est enceinte hein, depuis. Oh hein. Elle est magnifique, elle fait le Top Body Challenge, on en parlait à l'instant. Comment depuis, ça cartonne de ouf. Depuis 15 minutes, ce qui fait que Vacher sera papa deux fois. J'ai trébuché. Dans l'année. Je suis tombé comme ça par-dessus et voilà, ça fait un bébé. Qu'est-ce que j'y peux? Ben allez, on joue. Le jeu des 30 secondes. Tic-tac, tic-tac, Fun Radio. Le jeu des 30 secondes. Anissa, 29 ans, elle habite à Nanterre, elle est assistante commerciale. Du bruit pour Anissa. Coucou, Bruno, coucou la famille. Bonjour, bonjour Anissa. Salut. Ça va ma belle? Ça va super bien, très content d'être avec vous. Et ben tu sais quoi, je suis ravi de t'accueillir ce matin. Anissa, tu vas jouer face à Zach. Salut. Zach, il habite à Sarcelles, il a 32 ans, il est brancardier. Des bruits pour Zach. Comment ça va, Zach? Bien, bien, et nous la famille, ça va ou quoi? Super. Tu suis le foot un peu, Zach, ou pas? Un petit peu, un petit peu. Et Anissa, tu suis le foot un peu ou pas? De loin. Désolée. Bon, Anissa, Zach, la règle du jeu des 30 secondes est simple. Vous allez choisir chacun quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots. Et grâce à Cdiscount et à l'occasion de l'Euro de foot, vous allez gagner votre TV et LG Full HD de 126 cm. Waouh. Elle partira chez celui de vous deux qui aura trouvé le plus de mots. La question que je vous pose, c'est avec qui voulez-vous jouer? Anissa. Alors avec toi, Bruno. Oh, ça fait plaisir. Oui. Ça fait longtemps que t'as pas joué. Ça fait une semaine que j'ai pas joué. Contre qui je vais jouer? Zach, tu veux jouer avec qui? Avec Bachet. Oh là là là là. Et les auditeurs qui sont dans le studio derrière ont fait yes. Ah, ça fait plaisir quand c'est Vacher qui jouait. Faut qu'il perde, bah maintenant faut qu'il perde. Non. Envoie du lourd, envoie Vacher. T'inquiète, on envoie frère. Et en même temps, j'ai pas joué depuis longtemps donc je peux être un peu déstabilisé. Qui a joué la semaine dernière? Il y a eu match nul. Entre Vacher et moi. Christina, qui commence? C'est toi, Bruno. C'est moi. Évidemment. Anissa. Oui, allez. La télé vaut 500 balles, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Je ne connais pas la liste des mots, je la découvre au moment du lancement du chronomètre. Il faut qu'on soit en Bluetooth. Est-ce que tu es en Bluetooth? Oui. T'es prête? Ouais, je suis prête. Top chrono, c'est parti. Ah, c'est lui qui a marqué le but vendredi soir pour la France. Payet. Très bien. Samedi, dimanche, c'est le... Week-end. Voilà, très bien. La France, c'est un... Pays. Oui. Aujourd'hui, c'est par exemple... Aujourd'hui, c'est Antoine. C'est là, Antoine. On le fête, c'est un... C'est la Saint. Oui, très bien. C'est pas un crapaud, c'est une femme, c'est une... Grenouille. Oui, très bien. La France, pour jouer au foot, elle a une... Ils sont 11. Écoute. Oui, très bien, très bien. Tu montes le pour écouter du bruit, tu montes le. Oui. Putain, 7 points. Combien? Beau match, 7 points. Oh, yes. Bravo, Bruno. Oh, non. Je suis pas back dans le game. Ouais, franchement, t'as déchiré. Et 7, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu 7. Ouais, bravo. Je le dis pour tous ceux qui, depuis une semaine, ne me prenaient pas pour je ne sais pas quelle raison. Mmh. 7, je peux vous dire que. Ça paye pas sa miche, mais enfin quand même. Alors, Vaché. Ouais. Il va falloir faire... Mais regarde-le, là, il sait qu'il a gagné. Alors, Vaché, avec son petit sourire, non. Il va falloir faire mieux que ça. En fait, tu sais ce qui me fait rire. Non. C'est que du coup, moi, quand j'ai la liste de mots pour débuter, je vois ensuite ceux que tu dois faire deviner. Non, ouais. Ça va, et ça va. Quoi, regardez, je le dis, il y a des gens qui sont ici dans le studio. Vous savez quoi? Regardez-moi. Vous allez me dire merci. vous allez passer un bon moment. Tu parles du premier mot là? Ah bah les deux là. Allez, arrêtez là, ça sert à rien d'être chiant avec les gens. T'es prêt ou pas? Oui, oui. Attention, faut faire au moins 7, Zach. Top chrono, c'est parti. Alors, c'est ce que tu dis à la fin d'une prière. À l'église, tu dis? Amen. Ouais. La météo, qu'est-ce qu'on dit quand on va. Quand on anticipe le temps, le soir, ils font des. Ils imaginent que ça va être comme ça, donc c'est des. Des prévisions. Ouais. Quand t'as chaud sur le front, tu as de la. Sueur. Non, de là. De là. Quand t'as chaud sur le front, t'as 40 degrés, t'as de là. De là. Quand t'as chaud. Tu transpires. Mais oui, mais t'as de là quoi quand t'as 40 degrés? Mais non, t'as 40 degrés, connard. Mais quand t'es malade, Vaché dit quand t'es malade. Mais non, t'as de la fièvre. T'as de la fièvre. T'as de la fièvre. La fièvre. C'est comme ça qu'on dit chez les médecins. T'es jamais allé voir un docteur. T'es jamais allé voir un docteur, hein. T'as jamais fait ça. Calme-toi. Toi t'es en forme, hein. Toi tu pètes la santé, c'est ça. Ah, t'es content là, tu danses. Et ben t'as perdu. T'as perdu. Et moi aussi, on passe pour des cons. J'étais chaud pourtant, j'étais chaud. Ouais, t'étais chaud patate. Anissa. Oui. C'est un gagnant. Merci. 500 euros, c'est la valeur de cette télé offerte par Cdiscount. C'est un écran 126 cm de chez LG Full HD. On t'envoie ça très très vite du côté de Nanterre. D'accord, merci ma belle. Merci beaucoup. Bah, du coup, je vais peut-être un peu plus regarder le foot. Et écoute, ça peut être une idée. On t'embrasse, Zach. Merci beaucoup. Merci la famille. Bisous. Désolé, Zach, de t'avoir insulté. C'était dans le. Dans le speed du truc, quoi. Et Vaché, pourquoi t'as pas dit quand t'es malade? Mais quand t'as chaud au front, ben c'est ça, t'es malade. Je suis sûr qu'il y a des gens sur Twitter qui ont trouvé. Putain. Vaché, tu te calmes, hein, s'il te plaît. Tu te détends. Non, mais de toute façon, j'arrête cette émission, ça y est. Non, mais c'est vrai, là, vous m'avez poussé à bout, là. Prévision météo, qui a écrit ça, sans déconner? Prévision, vraiment, sérieux, c'est même pas un mot, ça, c'est pourri, quoi. Il y a que Evelyne Delia qui dit ça dans sa vie, quoi. Ce mec est fou. C'est Anthony Vosselic qui écrit les mots du jeu des 30 secondes. Bon, mais ça va alors. Allez, on revient avec Beyoncé juste après ça. Ce soir, 19h-20h, c'est le Before Party Fun sur Fun Radio. Pendant une heure, j'y vais au micro, Adrien Toulon au platine. Une heure de nouveautés. We got a beat going on. De versions inédites et d'exclus. À mettre à fond maintenant dans le Before Party Fun. Can you call me my friend? Le Before Party Fun. Le Before Party Fun. 19h-20h. Sur Fun Radio, montez le son. Dance floor. Leclerc. Maman, t'as besoin de quelque chose sur parapharmacie.leclerc? Parapharmacie.leclerc. Mais si, tu sais, parapharmacie.leclerc, c'est le site où tu retrouves nos marques de parapharmacie préférées à prix Leclerc. Génial! Ah, carrément, et en plus, tu retires gratuitement ta commande dans un des magasins Leclerc de ton choix. Sur le site parapharmacie.leclerc, retrouvez plus de 2000 produits d'hygiène, santé et beauté de grandes marques de parapharmacie à prix Leclerc. Retrait gratuit de votre commande dans les parapharmacies, les drives et les centres Leclerc participants. Voir modalité sur parapharmacie.leclerc. À ce prix-là, maman, une petite crème anti-rides? Quoi? J'ai des rides, moi, maintenant? Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Bonjour la famille, c'est Bruno dans la radio. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Alors attendez messieurs, au moment où je vous parle, je vais balancer une vidéo sur Twitter. Faut la relayer sur Bruno Fun Radio. Il y a Antoine Juventino qui est un fan de l'émission La Cour d'Embrasse, qui vient de balancer une vidéo. Je pleure de rire tout seul depuis 30 secondes. C'est quoi? C'est l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, Joachim Löw. L'équipe d'Allemagne jouait hier soir contre... c'était quoi d'ailleurs, Allemagne contre Ukraine. Ah oui, 2-0 pour l'Allemagne. Merci, t'as qu'à manger hein, Fonf. Bah je mange. Et donc le gars, pendant le match, sans pression, se gratte les yeux. D'accord. Donc il y a un plan caméra sur lui. Il se gratte les yeux. Ensuite il sent ses doigts. Mais dans Je te jure. L'entraîneur. L'entraîneur. Et après, il est assis. Et tu le vois avec l'autre main, il se gratte le yonf. Je vous jure que c'est quoi vrai. Ah ouais, là, ouais, c'est dur. Et hop, il enlève la main du yonf. Et pendant deux minutes, on a l'impression qu'il fait une boulette d'un truc. Ah, oh, dégueulasse. Mais non. Et ensuite, il regarde ce que c'est. Et il le met à son nez aussi, pareil. Arrête. Je vous jure. Vous savez quoi, regardez, je le fais en direct. Mais en plus, il se la pète trop, ce mec. Il fait genre trop le beau gosse et tout. Il a une coiffure de beau gosse. C'est vrai, il fait. Mais c'est le brun, là. Ouais. Ah oui, je vois très bien qui c'est. C'est vrai que c'est un peu tabou comme discussion. Mais pourquoi on sent à chaque fois qu'on fait ça? C'est vrai qu'on sent. Non, mais il y a personne qui fait ça. Ouais, moi je le mets. Je le mets tout de suite sur Twitter. Je regarde, je fais ça en direct comme ça. Et Nicolas, tu le récupères sur mon Twitter. Moi, c'est Bruno Guillon Off. Voilà, je viens de la mettre et tu la mets partout. C'est juste énorme. Son nom, c'est Joachim Lo. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Manuela, à Caen, comment ça va, Manuela? Ça va, ça va. Manuela, oh, elle est un petit peu tendue, Manuela. Manuela est un petit peu tendue parce que Manuela, elle passe un entretien d'embauche. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est à quelle heure? 10h. D'accord. Tu veux faire quoi comme boulot? Je suis aide médico-psychologique. D'accord, ok. Et donc là, tu as rendez-vous dans un centre spécialisé? Comment ça se passe? Oui, pour des adultes handicapés. D'accord, ok. Bon, ça va. Ça se passe comment les entretiens dans ces cas-là? ça va être mon premier, donc du coup, je ne sais pas d'accord. Trop. Ah, allez, première. Là, jusqu'à maintenant, tu étais étudiante en fait? En fait, là, je suis déjà en poste, mais j'ai pas. Enfin, c'était un entretien. C'était pas un vrai entretien, quoi, que j'ai passé. Non, mais là, aujourd'hui, c'est un vrai entretien ou pas? Oui. Là, c'est pour décrocher ton contrat, ton CDI. Oui, c'est ça. T'es habillée comment? J'ai un pantalon à tailleur noir avec un petit haut blanc et une veste noire. C'est classe. C'est très bien. Surtout, il faut que tu te sentes hyper à l'aise dans tes vêtements et surtout dans tes chaussures. C'est hyper important déjà pour être bien. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah bon? Mais oui, sinon tu focalises là-dessus et t'es pas bien. Mais t'es jamais à l'aise. Tu dois tout étriquer dans un truc, dans une tenue pour faire bien à chaque fois. L'entretien d'embauche, prendre une fringue juste pour un entretien, c'est souvent la galère. Exactement. Les nouvelles chaussures, c'est pareil. Faut oublier. C'est la chemise dans laquelle tu rentres pas, mais tu te dis ça va faire joli la chemise et tu la mets quand tu t'assois. Entre chaque bouton. Ouais, ça s'écarte et on voit ta peau. C'est ouais, c'est. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe à ça. Faut faire gaffe. Les trucs trop clairs. Mais là, tu vois, toi, t'as bien fait. T'as mis la veste noire. Si tu transpires, on ne voit que ça. Ouais. Les auréoles sous les bras. Il y a des gens qui transpirent beaucoup. T'es tout rouge. Tout ça. Ouais, faut faire gaffe. Bon, Manuela, ça va bien se passer. Tu le sens comment? Eh ben, je le sens plutôt pas mal, vu l'entretien que j'ai eu déjà au téléphone avec le chef de service. Mais en fait, j'ai un petit souci, c'est que en fait, je change complètement de région. Puisque là, je suis dans le Calvados et je partirai dans l'Oise. Ah. Et le problème, c'est que je suis bloquée avec mon préavis d'appartement. Et le poste est à pourvoir rapidement. Et donc, du coup, je serai bloquée puisque je serai obligée d'avoir deux apparts. Ah. Non, mais tu sais que quand c'est pour une raison de métier professionnel, le préavis, c'est qu'un mois. Ouais, tu peux c'est pas trois. Et comme quoi, Madela... Ça dépend, c'est que pour mutation. Ouais, alors bon, ça, la discussion va continuer en antenne, mais enfin on était pas mal quand même sur l'info de Christina, je trouve. Bon, Emmanuela, bon courage, ma chérie. Tu sais quoi, on te repassera un coup de fil demain pour savoir si ça a marché, d'accord? D'accord, pas de souci, merci. Je te fais des bisous. Bisous. En tout cas, je suis content de jamais avoir eu à passer l'entretien d'embauche. C'est vrai, ouais, t'as pas eu ça, toi. Et la technique dont tout le monde parle, mais apparemment ça marche. Moi, j'ai jamais essayé. C'est quand tu fermes les yeux, t'imagines ton patron en train de faire caca. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tout le monde en parle. Pareil, ouais. Parce que du coup, tu vois, il devient une personne normale. D'accord. Moi, j'ai jamais eu à l'imaginer. Parce que quand j'ai fait l'entretien avec Bruno, il était vraiment en train de... J'étais plutôt gêné. 8h52, c'est Fun Radio, on part en 2003. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right. Yeah.

C'est le son de Fun Radio. Merci d'être là de plus en plus nombreux à nous écouter tous les jours. Il y a Christina qui est là comme chaque matin. Bonjour à tous. Avec cette voix. Et je peux te dire que c'est ouf. Ce que peut déclencher une voix cassée chez une fille, le nombre de messages sur Twitter et sur Facebook en mode chauffage. Ah mais je me suis fait draguer de ouf ce matin. Et notamment avec le hashtag Bruno Fun Radio. Merci pour vos compliments, ça fait plaisir. Ah, ça fait longtemps, hein, qu'on s'était pas fait draguer, mes mères. Ah, ça fait plaisir. Hein. Tu vas nous ressortir les miches, du coup, quoi. Bon, c'est bon, plaisant, t'arrives les 9h, on se lâche un petit peu. Bonjour, c'est Vaché. T'as tiré sur mon doigt, hein. Ah, t'as senti le courant d'air. Les cheveux, ils ont bougé, hein. Oh putain, on rigole ce matin. Bon, la France, alors, beau match, hein. Bon, moi, j'ai regardé l'Italie, je peux te dire que les Italiens, c'est la comédie, tout ça, mais j'espère que la Belgique, elle va gagner. Merci, Vaché. Je pense toujours aux gens qui arrivent pour la première fois sur Fun ce matin et qui disent mais c'est quoi, qu'est-ce que j'entends? Non, bah, c'est pour la déconnade, on n'est pas comme ça. En vrai, on est des princes charmants. Moi, je peux te dire que ma meuf, c'est pas tout de suite que je lui découvre la schneck. D'abord, j'invite au restaurant, il y a quelques mots doux, je lui mets une petite main au cul et puis après, on couche ensemble. Attention, parce qu'il y a une éthique chez les Vachés. Il y a une éthique, ok? Et je paye le Buffalo Grill. Allez! Oh, c'est pas possible. Tu es mon dieu, Vaché. Oh, Elliot est là ce matin. Je suis spectateur de Vaché. De toute façon, t'es spectateur de l'émission, oui. Hein, depuis 5-6 ans maintenant. Elliot, c'est un spectateur de sa vie. Ouais, c'est vraiment le mec qui est sur le côté qui voit tout. Oui, en fait, vous savez, tous les matins, on fait venir des auditeurs qui s'inscrivent à bruno@funradio.fr. Je le dis, voilà, c'est ce qu'on fait, les auditeurs qui sont là, qui viennent de régions parisiennes pour la plupart. Il y a une bordelaise, voilà, ils passent les 3 heures d'émission avec nous. Ça va, tu passes un bon moment. Alors, je vous rappelle le truc, c'est que comme on est à la radio, on vous entend à peu près. On vous entend. Voilà, très bien. Voilà. Oh, bah, oui, Bruno. C'est pas organisé du tout. Hein, d'ailleurs, il y a deux auditrices qui ont ramené, qui ont fait un cookie avec l'ancien hashtag, l'hashtag BDLR. Ouais, parce que Bruno l'hashtag Fun Radio, Bruno Fun Radio, ça faisait trop de cookies. Ouais. Bon, alors, on a pris une photo, du coup, sur la photo, vous verrez hashtag BDLP, puisque la queue du R font flamanger avant qu'on prenne la photo. Elle était très bonne, la queue, en tout cas. Du R. Allez. Vous êtes vraiment une équipe de chaudière. Vous savez quoi, vous commencez à me faire honte. Il est temps que cette saison se termine. Top 3 d'Eliott, t'es prêt, ma gueule, ouais, ou pas? Mais tu racontes ouais, je suis prêt, mais tu racontes un truc sur moi, spectateur, et tu t'es adressé aux éditeurs pour leur dire un truc sur moi, mais tu leur as jamais dit. Non, oui, j'allais dire, oui, c'est vrai qu'il y a des auditeurs qui tous les jours viennent assister à l'émission. Toi, c'est ton cas, mais depuis 5 ans. Et ah oui, ouais. Mais vous devriez essayer, on est vachement bien dans cette position-là. Bah, on a des trucs à faire, Eliott. Allez, top 3 d'Eliott, on y va. Le top 3 d'Eliott. 3, 2, 1. Chacun ses problèmes. Les 3 meilleurs moments de l'émission, c'est compilé par Eliott, c'est le top 3. Non, c'est pas la même personne, c'est ça que tu veux me dire, Aurélien? J'en profite, Aurélien, ouais, du standard. C'est pas la même liste. J'ai Aurélien Loosman, hein, qui me fait des signes au standard depuis 10 minutes et je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Donc maintenant, au moins, on le sait. Alors, les 3 meilleurs moments de l'émission. Numéro 3. Sont compilés par Eliott. On y va avec le numéro 3. Numéro 3, je voudrais revenir aux alentours de 6h50 aujourd'hui. C'est un petit peu changeant. On a fait le chiffre du jour. On était à la bourse ce matin parce qu'on a fait plein de choses. Tu nous as posé cette question, Bruno. 15% d'entre nous ne font jamais quelque chose parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? On a apporté des éléments de réponse assez bête venant de ma part, et après tu nous as donné la vraie réponse. Écoute. Est-ce que c'est pas la peur de manger des huîtres? Parce que j'ai appris que c'était vivant et tu dois la croquer avec ta dent, cac, et la tuer. Franchement, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui ont la peur de manger des huîtres? Mais c'est sûr. Moi, j'ai. Vu que c'est vivant, l'huître, après, évidemment, elle descend dans ton estomac et elle commence à te grignoter les intestins, les organes, et elle ressort encore plus forte et elle va attaquer d'autres humains. Eliott, c'est sa peur. Tu peux dire, on va sauter en parachute, il s'en fout. Tiens, Eliott, je t'ai servi une douzaine d'huîtres. 15% d'entre nous ne vont jamais chez le dentiste. Parce qu'ils ont peur. Ah, mais bien sûr, oui. La phobie du dentiste. Oui, mais ces gens-là, ils ont plus de dents, du coup. Hein. Moi, j'en connais un que tout le monde connaît, à mon avis, il a ça. Deschamps. Ouais, dit. En même temps, il a que des gencives. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le dentiste? Bon, je vous fais un détartrage des gencives, comme d'habitude. Excellent entraîneur, on est d'accord, mais il y a quand même un problème sur le chicot. Un détartrage de gencives. Le pauvre, mais ça doit pas être pratique pour manger. Merci, Christina. C'est pour ça qu'il a toujours une soupe. Il a une petite paille. Allez, il est temps que ça se termine. Allez, numéro 2. Numéro 2. Tiens, Christina, d'ailleurs, bon, tu l'as dit il y a 5 minutes, tu t'es fait draguer sur Twitter à cause de ta voix. Forcé de constater, dans l'équipe, nous, on t'a pas dragué, on s'est plus foutu de ta gueule. Oui, j'en ai fait une petite compilation, écoutez. Un chèque de 300 euros d'accord ? Ouais. À dépenser sur showroomprivé.com. Il y a tout. Une petite paire de Vans, et bah ça y est, c'est gratuit. D'accord. D'accord. Je m'habitue pas encore à Christina, moi. Il y a tout sur site. Tais-toi, mamie, tu vas encore faire pipi sur le photo. Christina, ce matin, à la voix de Marge. Mais. Ça... Attends, sur quelle autre radio t'as Marge Simpson ? C'est vrai, c'est vrai. Dis-moi, fais voir. Arrête ça, Homer. Arrête, Homer, tout de suite. Ouais, c'est mieux. Je trouve qu'on dirait la voix un peu d'un ado qui veut un scooter. Tu veux pas dire je veux un scooter, papa, maman ? Je veux un scooter, papa, maman. J'ai juste un autre truc avec ton val numéro 1, Christina, quand même. Si vous voulez insulter des gens et tout, n'ayez pas la voix de Christina. Regardez par exemple ce matin. Et vraiment, t'es un bâtard parce que t'as poussé le truc. Oh, t'es un bâtard. Oh, franchement, ouais. Moi, je trouve ça bien. Numéro 1. Allez, numéro 1, on finit avec quoi ? Puis après, on s'en va, c'est sûr. On s'en va, ouais. Il est temps, il est temps. Numéro 1. Bon, il y a des problèmes de standard dans cette émission, ça peut arriver. Est-ce que c'est la faute de notre standard Snoozman ? Ça arrive tout le temps, c'est différent. Oui. Bah, c'est la spécialité de ce super-héros aussi. Bien sûr. Bon, en tout cas, ce matin, on peut dire qu'il s'est défoncé, ce super-héros. Il a créé une sorte de faille spatio-temporelle avec l'auditrice. Le mieux, je crois que c'est de réécouter. Ça nous a fait la journée. C'est parti. Allô ? Allô, Marine ? Oui. Bonjour, Marine. Wow. On a que des extraterrestres. C'est Flipper. C'est Flipper le dauphin. Marine ? Oui. Allô ? Marine, c'est bien toi ? Effectivement, Marine, ça nous fait plaisir à nous aussi. Est-ce que tu peux nous dire quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? Bravo ! Ouais ! C'est bien Bruno ! Marine, tu fais quoi dans la vie ? Ah, magnifique. Ça va être dur, ça. De toute façon, les assurances, c'est pas le truc le plus facile de mettre. Alors, Marine, tu m'as envoyé un découvert. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça t'ennuie si on donne le montant à l'antenne ? Ah, elle est gênée. Je peux comprendre. On peut lui demander ce qu'elle a acheté quand même avec ce découvert, dans quoi elle a dépensé ? C'est vrai, t'as acheté quoi avec ce découvert ? Oh, la chaudasse ! Ça a duré, franchement, ça dure encore 2 minutes. Je vous invite à aller le réécouter en podcast, mais vous étiez inarrêtables, les deux. Arrêtez de stigmatiser Loosman. Regardez-le. Ah. Regardez-la quand il fait sa tête de triste. Tu vois, Loosman, il faudrait avoir une caméra fixe, en fait, sur lui au standard. Loosman, quand tu fais une connerie, on le regarde, et la première chose qu'il fait, c'est une réaction de visage. Genre quoi ? C'est moi qui ai fait l'erreur ? Et tu sais, c'est comme à l'école, quoi. Quand t'as un mec, tu le prends en train de tricher, et il fait. Quoi ? Il fronce les sourcils, genre. Bien sûr. N'importe où. Tricher, mais quoi ? Mais Loosman, pardon, mais il est où ton costume, là ? Loosman à chaud. Très bien, bah, fais comme il veut. Hein, de toute façon, Loosman, on est devenu un peu ses employés. Hein. C'est lui qui décide. Et puis, non, mais après, je peux comprendre, tu vois. Je veux pas qu'on le prenne, tu vois. Qu'on tire pas sur l'ambulance de lui. Non. Non, non, c'est déjà une ambulance qui a les pneus crevés. Ouais. Ouais, c'est... On va la laisser galérer toute seule. Pas bien de stigmatiser un mec de l'émission. Tu vois, la France entière va nous en vouloir, même si ça se trouve, même aux États-Unis. Ah oui, tu crois ? Non, même aux États-Unis. Teddy, notre auditeur qui est dans le Wisconsin sur son tracteur, qui écoute la radio toujours en décalage, hein, parce qu'il y a la. Bien. Je suis sûr qu'il pourrait se dire ça. Il pourrait se dire, ouais. Loosman, oh my God. Moi, j'écoute Loosman dans mon tracteur. Je me dis, mais pourquoi on se moque de ce garçon ? Je l'aime beaucoup. This guy is like an angel. Ce garçon est comme un ange. Et moi, je le sais quand je l'écoute, il me dit beaucoup de plaisir. And he has a very little dick. Et il a un petit penchant pour l'amour. Merci. Allez, il y a notre ami de Châtelain qui est là. Gloire au Châtelain ! Gloire au Châtelain ! Bonjour la famille, j'adore quand vous faites ça, cette traduction anglais-français, vous faites ça trop bien. Mais c'est pas une traduction. Oh j'adore. Comment ça va ? T'as passé un bon week-end ? Eh ben écoute, j'ai passé un très bon week-end, je suis resté à la maison, j'ai pas fait grand-chose. Enfin quoique quand même, il faut quand même que je te raconte avec mon hashtag Mika dans ton écurie. Écoute, je suis arrivé dans une écurie, ils avaient mis Mika le Châtelain en haut, enfin... C'était génial, ils m'ont super bien reçu les box, il y avait ma tête dessus et tout. Tu rebondis sur cette vanne de vendredi 9h. Ouais, mais tu vois, je viens de me dire qu'en fait c'était pas super parce que c'est pas très bien passé. Non. J'aurais peut-être pas dû. Écoute, tu sais quoi, ce sera coupé au montage. Ouais, bon super. Génial. On va revenir demain, les amis, dès 6h, tout ce qui s'est passé ce matin, vous pouvez le retrouver sur l'application Bruno dans la radio. Elle est gratuite. Et on fait un petit film là, comme tous les matins, de best-of vidéo qu'on va vous mettre sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. Et je voudrais finir avec Justine Salmon, notre rédactrice en chef. Oui. Qui est là ce matin et donc qui est dans le studio en train de boire un truc qui s'appelle So Shape. Ouais. C'est un truc de soupe pour le régime. Pour perdre du poids. La nana a quand même bu à peu près 853 litres d'alcool. Non, je ne dis pas d'alcool, ok. Bah, je me fais une détox. Ce week-end, elle a mangé 14 kilos de viande, 16 kilos de frites. Mais voilà. La viande, tu comptes les hommes comme de la viande ou pas? Alors, 54 kilos de viande. Voilà. Et la meuf, ce matin, est en mode je bois du sauchet. Bah, tout à fait, je suis en détox pendant 5 jours. Voilà. Ah, bah, tu vois, on était parti sur 2 semaines. Là, ça y est, on n'est plus qu'à 5. Pas non plus exactement. Il y a 2h30, elle était, j'en ai pour 2 semaines de So Shape. Voilà, bon, bye. Deux semaines, mais la semaine prochaine, on a Ibiza. Mais bah oui, comment tu vas faire? Vodka So Shape, peut-être. Allez, les amis, on vous fait des bisous. Rendez-vous demain. Il y a quoi dedans, Juju? Oh, non, ne demande pas. C'est d'accord. C'est au chocolat. C'est au chocolat. Ouais. Ok. On a eu peur, parce qu'avec Justine, on s'attend à tout. Mika, fais très attention quand tu lui poses des questions. Ouais. On va rester là-dessus, si vous voulez bien. Voici Dimitri Vegas, Like Mike, pour attaquer le 9h beat. Bisous, la famille, à demain. Bisous. De vous retrouver, bienvenue dans le 9h midi, c'est Mika, j'espère que vous allez bien. Et ben j'ai envie qu'on démarre maintenant. Fun Radio. Je trouve que c'est une bonne idée ça, bon courage à vous tous si vous êtes sur la route du boulot, dans les transports, plein de courage. La suite, Imani qui se prépare, j'ai une nouveauté signée Fun Radio, Scridge. Et puis alors ça, le clip est sorti, ça y est, hein, sur mon Facebook Mika Fun Radio, je vais vous le mettre. David Guetta, Zara Larsson, plus de 40 minutes de son dance floor non-stop, ça arrive très vite chez vous. Ce soir, 20h, 22h, c'est Love in Fun avec Doc et Karel. Tu utilises des sextoys, bébé? Non, parce qu'on n'en a pas besoin. Ouais, je rire de canard, hein, couillon. Il y a 22h. C'est le Night Show avec Marion et Anne-Sou. Salut Jordan. Salut. Bon, 13 ans de Tarbes. Ouais. Et comment on appelle les habitants de Tarbes, Jordan? Les Tarbas. Fun Radio. Plus que quelques secondes avant la mi-temps. Ah là là, quelle pression! Il faut absolument garder l'avantage. Mais siffle! Allez, regarde ton chrono. Coup d'envoi dans votre micro-ondes avec les burgers Charal, vous allez aimer la mi-temps. À découvrir au rayon frais et surgelé. Charal! Pour votre santé, évitez de grignoter. Fun Radio. Et Delva, s'il vous plaît. Nous